De l'oraison et de la méditation. Chapitre 68. Il commence à traiter de la manière de considérer Jésus-Christ, des mystères de sa vie et de sa mort, des motifs qui doivent nous porter à cette considération, et des grands avantages que l'on en tire. Comme ceux qui s'occupent beaucoup à la connaissance d'eux-mêmes, voyant continuellement et de près quels sont leurs défauts, tombent d'ordinaire dans la tristesse, la défiance et l'abattement. Ils ont besoin d'une autre connaissance qui les réjouit et les fortifie beaucoup plus qu'ils ne s'étaient attristés et découragés. À cela rien n'est si propre que la connaissance de Jésus-Christ, et particulièrement de considérer ses douleurs et la mort qu'il a soufferte pour l'amour de nous. C'est là l'heureuse nouvelle qu'annonce la nouvelle alliance, car Jésus-Christ crucifié console ceux que la vue de leur faute afflige, absout ceux que la loi condamne, et rend enfants de Dieu ceux qui étaient esclaves du démon. C'est donc à lui que doivent avoir recours ceux qui sont accablés de dettes spirituelles par le nombre de leurs péchés. Comme ceux qui l'étaient de dettes temporelles se joignirent à David lorsqu'il était poursuivi par Saul, 1 Roi, 20, et de même que, lorsque l'on passe un torrent, on détourne ses yeux de la vue de l'eau pour ne se point effrayer de sa rapidité, on doit, au lieu de s'arrêter à considérer ses péchés, regarder Jésus, Christ attaché à la croix pour se fortifier contre la crainte, puisque ce n'est pas en vain que David a dit, Mon Dieu, mon âme est abattue et troublée, et c'est cela même qui me porte à me souvenir de vous dans cet exil où je suis au-delà du Jourdain, près d'Hermon et du mont Mizar. Psaume 41. 8. Car les mystères qui se sont passés dans le baptême de Jésus-Christ et dans sa passion sont capables de calmer toutes les tempêtes qui s'élèvent dans notre cœur. Ainsi il n'y a point de livre qui puisse si bien que cette passion de notre Sauveur nous instruire dans toutes sortes de vertus, nous donner de l'horreur du péché, et nous faire comprendre qu'il ne doit point y avoir de borne à notre reconnaissance d'une preuve si prodigieuse de son amour. Il faut donc, ma fille, après vous être occupée à la connaissance de vous-même, travailler à connaître Jésus-Christ en la manière que Saint Bernard nous l'apprend par ses paroles, et qu'il le pratiquait lui-même. Celui qui a le sentiment qu'il doit avoir de Jésus-Christ et de la rédemption qu'il nous a méritée par sa mort, n'ignore pas combien il importe pour le repos de notre conscience et pour nous avancer dans la piété, d'employer au moins quelques heures du jour à considérer attentivement les avantages que nous tirons de sa passion, et de les graver fortement dans notre mémoire. Sachez aussi que, comme Dieu, pour communiquer aux hommes les richesses de sa divinité s'est fait homme, afin de pouvoir, par cet abaissement et par une pauvreté volontaire se conformer aux pauvres et aux petits, et par ce moyen les élever jusqu'à être semblables à lui, de même la voie ordinaire dont il se sert pour communiquer sa divinité aux âmes et par le moyen de sa sacrée humanité, c'est là la porte par laquelle entrent ceux qui se sauvent, et cette échelle mystérieuse que Jacob vit aller de la terre au ciel, parce que le Père éternel, pour honorer l'humanité de son Fils unique, n'affectionne et ne se communique familièrement qu'à ceux qui n'ont pas seulement une vive foi pour cette sainte humanité, mais qui y font une grande attention. Puis donc que vous avez tant de sujets de désirer de lui une si grande faveur, rendez-vous, pour l'obtenir heureusement, esclave de la passion de Jésus-Christ, qui vous a délivré de la captivité du péché et des peines de l'enfer. prenez plaisir à vous occuper de la pensée de ce que son extrême amour pour vous ne lui a point fait trouver de difficulté à vouloir souffrir. Soyez l'une de ces âmes dont le Saint-Esprit a dit, « Sortez, fille de Sion, pour voir le roi Salomon avec la couronne que sa mère lui a mise sur la tête au jour de ses noces, dans l'abondance de sa joie, Cantique 3. Or, l'on ne voit point dans l'Écriture que le roi Salomon ait été couronné par la main de Bethsabée, sa mère, le jour de ses noces. Ainsi, puisque ces paroles ne peuvent convenir à Salomon, pécheur, et que l'Écriture sainte ne saurait errer, elles se doivent entendre du véritable Salomon qui est Jésus-Christ, et cela d'autant plus, que ce nom de Salomon, qui signifie pacifique, fut donné à ce prince, parce que son règne se passerait dans la paix, en lieu que celui de David, son père, avait été traversé par de continuelles guerres, ce qui fit que Dieu ne voulut pas que des mains qui avaient répandu tant de sang lui édifiassent un temple, mais réserva cet honneur à son fils, ce roi pacifique, que si l'on a donné à Salomon ce nom de roi pacifique, parce qu'il a vécu dans une paix dont des rois, quoique méchants, peuvent jouir, à combien plus forte raison doit-on donner ce nom à Jésus, Christ qui a fait une paix entre Dieu et les hommes, une paix non seulement temporelle, mais spirituelle, et l'a faite en prenant sur lui la peine que nos péchés, qui avaient causé la guerre entre lui et nous, avaient mérité. Ce divin Rédempteur a aussi fait la paix entre les Juifs et les Gentils, ces deux peuples si opposés, en rompant ce mur de séparation qui les divisait, comme dit saint Paul, et qui n'était autre chose que les cérémonies de l'ancienne loi et l'idolâtrie des Gentils, afin que, par ce moyen, les uns et les autres renonçant à leurs anciennes observations, se réunissent sous une nouvelle loi pour n'avoir qu'une même foi, un même baptême, un même Seigneur, et pouvoir ainsi espérer d'être rendus participants de l'héritage éternel, comme étant tous enfants de ce même Père céleste qui les a engendrés de nouveau par l'eau et le Saint Esprit pour être capables de jouir d'autant de bonheur et de gloire que leur Père charnel, en les engendrant, les avait rendus sujets à toutes sortes de misères et de déshonneurs. Tous ces avantages nous viennent donc par Jésus, Christ qui a pacifié le ciel et la terre, les nations avec les nations, et les hommes avec eux-mêmes, ce qui était la guerre de toute la plus dangereuse, parce qu'elle se passait dans leur propre sein. Salomon ne pouvant donc faire aucune de ces sortes de paix, il ne pouvait mériter qu'en figure le nom de pacifique, puisque la paix temporelle dont ces peuples jouissaient n'était que l'ombre de la paix spirituelle et éternelle que Jésus-Christ a apportée dans le monde. Si vous avez toujours devant les yeux, épouse de Jésus-Christ, ces vérités si importantes, vous trouverez que la très sainte Vierge, cette bienheureuse mère du véritable Salomon, en le concevant sans péché, lui mit sur la tête une admirable couronne le jour de son incarnation, qui doit être considérée comme celui des noces célestes dans lesquelles le Verbe divin a été uni à sa très sainte humanité. Et ce même Verbe fait homme a été uni à l'Église composée de tous les hommes. C'est du chaste sein de cette bienheureuse Vierge qu'est sorti Jésus-Christ comme de sa chambre nuptiale, aussi paré que l'époux, et comme un géant qui marche à grands pas pour achever ce grand ouvrage de notre rédemption, et qui, à la fin de sa carrière, le jour du Vendredi Saint, épouse l'Église pour laquelle il avait encore beaucoup plus travaillé que ne fit Jacob pour avoir Rachel. On peut dire aussi que l'Église fut tirée de son côté, lorsqu'il dormait du sommeil de la mort, de même qu'Ève fut tirée du côté d'Adam lorsqu'il était endormi. C'est pourquoi Jésus-Christ nomme son jour le jour qu'il nous donna cette preuve merveilleuse de son amour quand il dit dans l'Évangile, « Abraham, votre père, a désiré avec ardeur de voir mon jour, il l'a vu et en a été comblé de joie. » Jean 8, 59. Ce qui arriva, dit saint Jean Chrysostome, lorsque Dieu lui révéla que le sacrifice de son fils Isaac, qu'il lui avait commandé de lui offrir sur la montagne de Moria, qui est la montagne de Sion, n'était que la figure de la mort de Jésus-Christ, car il vit dans cette révélation ce triste jour et s'en réjouit. Mais pourquoi ce patriarche s'en réjouit-il? Fût-ce à cause de tant de tourments et de douleurs que devait souffrir notre Seigneur, et dont l'excès aurait été capable de toucher de compassion les cœurs les plus durs au milieu de leur plus grande joie? Il le faut demander à ces trois apôtres si chéris de lui, à qui il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 20. Et comment ces paroles ne les auraient-ils point pénétrées jusque dans le fond de l'âme? Puisque ceux qui n'étaient point ses disciples ne purent, sans en être touchés, entendre le bruit des coups de fouet qu'il reçut, des coups de marteau qui lui enfoncèrent des clous dans les pieds et dans les mains, et de le voir si cruellement attaché à une croix. Je doute même que ceux qui le tourmentaient de la sorte, le voyant souffrir avec une douceur inconcevable, n'aient aussi eu quelque compassion de ce qu'il endurait pour procurer leur salut sans qu'ils le sussent. Si donc ceux qui avaient de l'aversion pour Jésus-Christ ont dû, à moins que d'avoir un cœur de pierre, être attendris de pitié dans la vue de ses douleurs, comment peut-on dire qu'un homme qui avait autant d'amour pour Dieu qu'en avait Abraham, s'était réjoui de voir le jour dans lequel il devait en souffrir? Chapitre 69. Suite du chapitre précédent, où il explique un verset du Cantique touchant la passion de Jésus-Christ. Mais pour vous empêcher, ma fille, de vous étonner, écoutez une autre parole de ce cantique, qui dit que cette couronne lui fut mise sur la tête dans un jour que son cœur était tout rempli de joie, pour marquer qu'elle n'était pas seulement extérieure, mais intérieure, car comment peut-on nommer un jour de joie celui dans lequel Jésus-Christ souffrit des tourments inconcevables? Ô Jésus, mon Sauveur, qui êtes la joie des anges, l'objet adorable qu'il ne se lasse jamais de regarder, et ce torrent de délices dont les eaux célestes leur font sans cesse goûter une douceur ineffable, de quoi vous réjouissez-vous donc, Seigneur, au milieu de tant de tourments? De quoi vous réjouissez-vous, étant déchiré à coups de fouet, percé de clous, déshonoré et prêt d'endurer la mort? Est-ce que vous y êtes insensible? Hélas, comment le seriez-vous, puisque votre parfait tempérament vous y rend plus sensible que nul autre ne le pourrait être? Mais c'est parce que vous êtes si extrêmement touché de nos maux, que vous souffrez volontiers les vôtres, pour faire par vos douleurs cesser nos douleurs, et c'est ce qui vous a fait dire à vos bien-aimés apôtres, j'ai souhaité avec ardeur de manger cette Pâque avec vous avant que de souffrir, Luc 22, 15. Et vous aviez dit auparavant, je suis venu jeter le feu sur la terre, et que désirais-je sinon qu'il s'allume, je dois être baptisé d'un baptême. Et combien me sens-je pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse, Luc 12, 49. Vous avez, mon Dieu, Durant votre vie mortelle, comme souillé par vos grâces et par vos faveurs ce feu de notre amour pour vous, et vous voulez maintenant que par votre mort il s'allume, nous embrase, nous consume et nous transforme en vous? Qui vous aurait aimé, Seigneur, si votre amour ne vous avait fait mourir pour rendre la vie à ceux qui, faute de vous aimer, l'avaient perdue? Qui sera celui qui, voyant que ce feu de votre amour pour nous a, par l'ardeur de vos tourments, consumé et réduit en cendres le bois si vert et si vif de l'arbre de vie, qui est vous-même, sera si froid et si insensible à un tel amour, qu'il ne brûle pas du désir de vous témoigner le sien jusqu'à vouloir bien mourir pour vous? Qui sera celui qui aura le cœur si dur que de n'être pas attendri par l'extrême affection que vous nous avez témoignée depuis le moment que vous, sortis du chaste sein de votre bienheureuse mère, jusqu'à ce que vous expirâtes sur la croix, vous avez pleuré pour nous mettre dans la joie, vous avez souffert pour nous procurer le repos. Vous avez été baptisé dans votre propre sang pour laver et effacer les taches de nos péchés, et vous avez témoigné plus d'impatience de recevoir ce baptême pour remédier à nos maux, quoique vous sussiez qu'il vous devait coûter la vie, que l'époux n'en a de voir arriver le jour de ses noces. Il ne faut donc pas s'étonner que, puisque l'accomplissement de ce que l'on désire donne de la joie, on dit que le jour de votre passion a été un jour de joie, quoique les tourments que vous y avez endurés étaient si extrêmes, qu'ils ont fait dire à Jérémie, par un esprit de prophétie, ô vous tous, qui êtes témoins de ce que j'endure, jugez s'il peut y avoir quelque douleur qui soit égale à la mienne, livre d'Étrennes, Lamentation de Jérémie, 1. 12. Mais le feu de l'amour dont votre cœur était embrasé était encore incomparablement plus grand, puisque s'il eût été nécessaire pour notre salut que vous fassiez demeurer attaché à la croix jusqu'à la fin du monde, vous y auriez consenti, et ainsi, quoi que vous ayez enduré, votre amour pour nous a de beaucoup surpassé vos souffrances et la fureur de vos bourreaux. Il est demeuré victorieux de tout, et la flamme dont il brûlait était si vive, que rien n'a été capable de l'éteindre. Elle s'élevait au-dessus de vos douleurs par la joie que vous ressentiez du bien qu'elle nous procurait. Et c'est ainsi que l'on peut dire avec raison que ce jour a été pour vous un jour de joie. C'est donc ce jour qu'a vu Abraham et dont il s'est réjoui, non qu'il ne fût pas touché d'une extrême compassion de vos tourments, mais parce qu'il connaissait que ce jour si douloureux procurerait le salut du monde. Sortez donc à la campagne, fille de Sion, chères âmes qui attendiez avec foi la venue de notre adorable Messie, pour voir ce roi pacifique qui est venu par ses souffrances faire la paix après laquelle toute la terre soupirait. Puisque vous ne devez avoir des yeux que pour un objet si admirable, mais entre tous les ornements qui parent ce divin époux, considérez principalement cette couronne d'épines dont, encore qu'il l'ait reçu par les mains des officiers de Pilate qui étaient idolâtres. On peut dire que ça a été sa mère qui l'a mise sur sa tête, parce que le gouverneur de la Judée ne l'a condamné à la mort que pour plaire à la synagogue des Juifs, de la race desquels Jésus-Christ est descendu selon la chair, et qu'ainsi cette synagogue lui tenait lieu de mère. Que si quelqu'un dit que ce sont là d'étranges parures pour des noces, qu'une couronne d'épines au lieu d'un chapeau de fleurs, des clous qui percent les pieds et les mains au lieu de bracelets, des coups de fouet au lieu d'écharpes, des cheveux collés ensemble par le sang qui en dégoutte, au lieu d'être bien peignés, la barbe arrachée, les joues meurtries de soufflets, une rude croix au lieu d'un lit magnifique, une place destinée au supplice des malfaiteurs au lieu d'une salle de noces, et la compagnie de deux larrons au lieu de celle de ses amis, et qu'à cela l'on ajoute, quel festin, quelle musique, quels plaisirs peuvent se rencontrer dans des noces où la mère et les amis de l'époux n'ont pour mets que des douleurs, pour breuvage que des larmes, et que paraît-il y avoir de plus contraire à la solennité d'un mariage? Mais il n'y a pas sujet de s'en étonner, puisque dans ce divin mariage tout est nouveau. Jésus-Christ est un nouvel homme, parce qu'il est conçu sans péché et qu'il est Dieu et homme tout ensemble, et que prenant pour son épouse l'Église, qui n'est composée que de pécheurs pauvres, difformes et pleins de toutes sortes d'imperfections, il nous donne tous ses biens, car, contre l'ordre ordinaire, ce divin Rédempteur a voulu, en se revêtant de notre chair, se charger de toutes nos dettes, recevoir, quoique innocent, le châtiment que nous méritions, faire cesser notre laideur, et nous rendre participants de sa beauté et de ses richesses. Comme dans les mariages du monde les hommes ne peuvent rendre celles qu'ils épousent de mauvaises bonnes, de laides belles, et de pauvres riches, ils tâchent d'avoir pour femmes celles qui sont vertueuses, belles et riches, et de trouver en elles des avantages qu'ils ne leur ont pas donnés. Ce céleste époux, au contraire, ne trouve dans les âmes qu'il prend pour ses épouses ni bonté, ni beauté, ni richesse que celle qu'il y met, et elles ne lui apportent pour d'autres que leurs péchés. Mais eût s'abaissant jusqu'à nous, il s'est rendu semblable à nous et nous a rendus semblables à lui, en détruisant le vieil homme pour nous rendre comme lui un homme nouveau et tout céleste. Voilà l'effet de la laideur et de la bassesse qui paraissait dans ses ornements dont son infinie grandeur et sa toute puissance se sont servis pour vaincre l'endurcissement de nos péchés, et nous donner sa grâce et son amitié, ce qui est le plus grand de tous les présents qu'il pouvait nous faire. C'est là, ma chère fille, le miroir dans lequel vous devez vous regarder plusieurs fois le jour, afin d'embellir votre âme en travaillant à réparer tout ce que vous y trouverez de défectueux. C'est là ce serpent d'airain, ce signe mystique qui guérit les blessures des serpents les plus dangereuses et les plus mortelles, et lorsqu'il vous arrivera de faire du bien, regardez aussi ce même signe, afin qu'il vous donne la force de continuer, et rendez grâce à notre Seigneur de ce que ses travaux et ses souffrances nous procurent tant de bien et tant de consolation. Chapitre 70. Des grands avantages que l'on tire de l'oraison. Je vous ai fait voir que la lumière que vos yeux doivent regarder est ce Dieu fait homme, mort pour nous sur une croix. Il me reste maintenant à vous dire de quelle manière vous devez le regarder, puisque ce saint exercice ne se fait que par de dévotes considérations et par des entretiens intérieurs dans l'oraison. Mais il faut auparavant vous apprendre l'avantage que l'on en peut tirer, et vous particulièrement, puisque, ayant renoncé au monde pour vous consacrer entièrement à notre Seigneur, vous êtes plus obligé d'avoir une communication particulière avec lui, si vous voulez goûter la douceur d'une manière de vie aussi parfaite qu'est celle que vous avez embrassée. On doit entendre par le mot d'oraison un entretien secret et intérieur avec Dieu, par lequel l'âme se communique à lui, soit par sa pensée, soit par ses demandes, soit par ses actions de grâce, soit par la contemplation, et généralement par tout ce qui se passe dans ce secret entretien. Or, encore que l'on puisse traiter en particulier de chacune de ces choses, mon intention n'est que de vous parler en général de l'importance que ce nous est d'avoir cette communication avec Dieu. En voici une preuve qui, à moins que d'être aveugle, peut le faire connaître, Si Dieu permettait à tous ceux qui le désireraient de lui parler une fois le mois ou une fois la semaine, avec assurance de les écouter avec la même bonté qu'un père écoute ses enfants, de remédier à leurs besoins et de leur faire des grâces, et s'il étendait cette faveur jusqu'à leur permettre de lui parler non seulement une fois le jour, mais plusieurs fois et même durant la nuit, pourrait-on, si l'on avait un cœur de pierre, n'en être pas très sensiblement touché, et n'en pas user comme du plus grand avantage et de la plus grande joie que l'on saurait recevoir, puisque si un roi temporel, qui ne peut être considéré que comme un ver de terre en comparaison de ce monarque éternel, et dont les bienfaits ne sont que de la poussière que le vent emporte, faisait les mêmes offres à ses sujets, ne s'estimerait-il pas trop heureux? Comment donc les hommes, qui prennent tant de plaisir d'être avec les enfants des hommes, ne sont-ils pas ravis d'être avec un Dieu? Il n'y a dans sa conversation que douceur, que plaisir et que joie. Ses richesses et sa libéralité sont si grandes, qu'il ne nous refuse rien de ce que nous lui demandons, et nous devons nous estimer trop heureux de jouir de l'entretien d'un tel Père, quand il ne nous en reviendrait aucun profit, que si vous ajoutez à cela que non seulement il nous donne cette permission de lui parler, mais nous y convie, nous le commande et nous en prie même quelquefois, vous admirerez sa bonté de nous offrir ce que nous devrions si instamment le prier de nous accorder, et quelle est notre malice et notre folie de le refuser lorsqu'il nous l'accorde. Vous connaîtrez aussi la négligence qu'ont la plupart des hommes de remédier à leurs besoins spirituels, qui sont les seuls véritables, en considérant que ceux qui en ont le sentiment qu'ils doivent en prier Dieu avec tant d'instance, on dit ordinairement que celui qui ne sait pas prier n'a qu'à aller sur la mer, parce que les périls continuels que l'on y rencontre apprennent à implorer le secours de Dieu. Ainsi je ne saurais comprendre pourquoi nous ne nous occupons pas avec soin à la prière, puisque, soit que nous soyons sur la mer ou sur la terre, nous sommes toujours dans le péril d'une mort corporelle, et même de celle de notre âme, si, après être tombés dans le péché mortel, nous ne nous sommes pas relevés de notre chute par la pénitence. Si les vaines affections des choses du monde, qui sont comme de la poussière dans nos yeux, ne nous empêchaient de bien voir quels sont nos besoins, nous aurions sans cesse recours à Dieu, en lui disant du fond de notre cœur avec David, « Ne permettez pas, mon Dieu, que nous tombions en tentation, ne vous éloignez point de nous », Psaume 34, ou autre semblable parole, selon le sentiment que nous aurions de nos besoins, mais nos prières n'ont pour objet que ce qui nous touche sensiblement, qui est un bien ou un mal temporel, et encore n'avons-nous alors recours à Dieu que quand les autres moyens nous manquent, mettant ainsi, par un déplorable renversement, notre première confiance en nous ou aux hommes, et la dernière en son assistance. De là vient qu'il s'irrite contre nous comme il fit autrefois contre les Israélites en leur disant, « Où sont vos dieux en qui vous avez mis votre confiance, qu'ils viennent maintenant vous secourir et vous protéger dans votre besoin ? Vous éprouverez que je suis le seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, que je donne la mort et rends la vie, que je frappe et guéris les plaies que je fais, et que l'on ne saurait rien arracher d'entre mes mains, Deutéronome 32, 37. Ne soyez pas insensible, ma fille, à de si terribles menaces. Considérez qu'il n'y a point de mal véritable que de manquer à servir Dieu, ni de véritable bien que de le servir. Quand vous lui demanderez quelque chose de temporel, Ne le lui demandez pas avec cet empressement que donne une affection démesurée, mais soit dans les grandes ou les petites choses, mettez votre première et principale confiance en lui, et ensuite au moyen dont il vous mettra dans l'esprit de vous servir. Ayez une grande reconnaissance de cette liberté qu'il vous donne de vous adresser à lui toutes les fois que vous le désirez, et servez-vous, en toute rencontre puisque c'est dans cette heureuse communication avec lui qu'il enrichit ses serviteurs de tant de grâces, remédie à leurs besoins et leur fait connaître que ce qu'il permet qu'ils se trouvent dans tant de périls est pour les obliger de recourir à lui et de le remercier de ce qu'il les en délivre. Ça a été ainsi que les Gabaonites étant précédents, leurs ennemis, envoyèrent demander du secours à Josué, dont l'amitié qu'ils avaient recherchée leur avait suscité cette guerre et qu'il les tira de ce péril. Et ce fut aussi en la même sorte qu'Abraham secourut ses saints croix, Genèse 14, 10, qui avaient été vaincus par d'autres rois, et empêcha la prise de leur ville sur la vie qu'un seul homme lui donna de la bataille qu'ils avaient perdue. Ainsi, quand on se trouverait réduit à la dernière extrémité et même englouti dans le ventre d'une baleine, une seule prière adressée à Dieu avec ferveur et humilité capable d'attirer son assistance. Et si l'on ignore de quelle sorte cette prière se doit faire, on peut l'apprendre de ces paroles que dit le roi Josaphat avec tant de confiance, « Quand nous ne savons plus à quoi recourir, notre remède, Seigneur, est de lever les yeux vers vous, parallèle 20. » Et Saint Jacques dit aussi que celui qui désire d'obtenir la sagesse n'a qu'à la demander à Dieu, Jacques 1. C'était la conduite que Dieu commanda à Moïse et à Aaron de tenir touchant son peuple, parce que ceux qui gouvernent les autres, ayant besoin d'une double et continuelle lumière, ils ont besoin aussi de redoubler leur prière afin de connaître la volonté de Dieu et d'obtenir la force nécessaire pour l'exécuter. La connaissance qui s'acquiert de cette sorte surpasse autant celle que l'on peut tirer des raisonnements humains que la hardiesse avec laquelle l'on marche durant le jour surpasse celle avec laquelle on marche durant la nuit. Et les lumières que l'on reçoit dans l'oraison sont sans comparaison plus grandies, plus vives et plus certaines que celles que l'on peut avoir hors de l'oraison. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin, après l'avoir éprouvé, qu'il n'y a point de travail et d'étude qui soit si capable que l'oraison d'éclaircir les difficultés. Comme il ne me serait pas possible de vous dire quels sont tous les avantages que l'on tire de l'oraison, et que quand je le pourrais, je serais trop long, je me contenterai de vous rapporter ces paroles de Jésus, Christ qui est la suprême vérité, votre Père céleste donne le bon esprit à ceux qui le lui demandent, Luc 11, 13. Et cet esprit est accompagné de toutes sortes de grâces. Il vous doit donc suffire de savoir que tous les saints se sont appliqués à l'oraison, parce, comme dit saint Jean Chrysostome, que c'est par elle qu'ils ont remporté des victoires, à quoi il ajoute qu'il n'y a rien si puissant qu'un homme qui prie, mais ce qui en est une preuve plus que suffisante, c'est la prière de Jésus. Christ dans cette terrible agonie qui lui fit arroser la terre de son sang, il pria aussi sur le mont Tabor, avant cette merveilleuse transfiguration qui le fit voir à trois de ses apôtres tout éclatant de majesté et de gloire, Luc 22, et il pria aussi avant que de ressusciter le Lazare, Jean 11. Il passait quelquefois des nuits entières en prière, et saint Luc remarque que ce fut ensuite d'une qui avait été très longue qu'entre tant de disciples qu'il avait, il en choisit 12 pour être ses apôtres. Sur quoi saint Ambroise dit que cela fait connaître de quelle manière nous devons agir dans le commencement de nos entreprises, puisque notre divin Rédempteur en usa à lui, même de la sorte. C'est sans doute ce qui a fait dire à saint Denis que nous devons commencer toutes nos œuvres par la prière. Saint Paul nous exhorte aussi à nous appliquer extrêmement à l'oraison. Et notre Seigneur a dit lui, même qu'il faut toujours prier sans s'enlacer, Luc 18, 1, c'est-à-dire prier fréquemment et avec grand soin, parce que ceux qui désirant de plaire à Dieu par leurs actions négligent de faire oraison, ressemblent à ceux qui ne nagent et ne combattent qu'avec une main et qui ne marchent qu'avec un pied. Au lieu que Jésus-Christ nous apprend que deux choses nous sont nécessaires pour ne point tomber en tentation, qui sont de veiller et de prier, Matthieu 26, 41. Il a dit aussi ailleurs, « Veillez donc en priant toujours, afin que vous soyez rendus dignes d'éviter tous ces maux qui arriveront, et de comparaître avec confiance devant le Fils de l'homme. » Luc 21, 36. Saint Paul joint aussi ces deux choses, la vigilance et la prière, lorsqu'il décrit les armes dont un chrétien doit se servir pour combattre le démon, Éphésiens 6, 18. Car, comme un homme, quelque bien nourri qu'il soit, devient faible et court fortune de perdre l'esprit, s'il ne dort pas, il en arrive de même à celui qui travaille beaucoup sans faire oraison, parce que la prière est la nourriture de l'âme comme le sommeil est la nourriture du corps. Il n'y a point de bien, quelque grand qu'il soit, qui puisse suffire, si l'on dépense toujours et que l'on ne gagne rien, ni de bonnes œuvres qui puissent continuer, si l'on ne fait oraison. Parce que c'est par elle que l'on acquiert la lumière et l'esprit nécessaires pour recouvrer ce que l'on a perdu dans les occupations du siècle, qui quelque louable qu'elle soit, diminue toujours quelque chose de la ferveur de la charité et de la dévotion intérieure. Il ne faut point de meilleure preuve du besoin que l'on a de prier avec instance que la ferveur et les jeûnes avec lesquels le prophète Daniel demandait à Dieu de délivrer son peuple de la captivité de Babylone, quoique les 70 ans après lesquels le Seigneur avait promis de la franchir de la servitude fussent passés. Car, si l'on doit demander à Dieu avec une oraison persévérante l'accomplissement de ce qu'il a promis, à combien plus forte raison le doit-on faire pour ce qu'il n'a point promis? Saint Paul priait les Romains de prier Dieu qui lui fit la grâce de surmonter les obstacles qui pouvaient l'empêcher de les aller voir. Sur quoi Origène remarque que ce grand apôtre avait néanmoins dit auparavant, je sais que vous allant voir, ma venue sera accompagnée d'une abondante bénédiction de l'Évangile de Jésus-Christ, Romains 15, 29, mais qu'il croyait néanmoins nécessaire de prier pour l'exécution de ce qu'il savait ne pouvoir manquer d'arriver. Ainsi, ce grand apôtre n'avait-il pas raison de dire que l'oraison est le moyen d'obtenir de Dieu ce qu'il a résolu de toute éternité de donner dans le temps, et que comme il faut labourer et semer pour recueillir du blé, il faut prier pour recueillir des fruits spirituels? Nous ne devons donc pas nous étonner si nous en recueillons peu, puisqu'en priant peu nous semons peu. Que s'il est certain que la conversation d'un homme de bien nous le fait aimer et concevoir des sentiments de vertu, à combien plus forte raison avons-nous sujet d'espérer de grands avantages de notre communication avec Dieu? L'exemple de Moïse le fait bien voir, puisque lorsqu'il sortait d'avec lui il était tout resplendissant de lumière, et ce n'est, sans doute, Que faute d'avoir cette communication avec Dieu par la prière que nous avons si peu de compassion des besoins de notre prochain? Car si nous étions durant la nuit prosternés en la présence de Dieu pour le prier de nous pardonner nos péchés et de nous secourir dans nos besoins, comment pourrions-nous le lendemain refuser à notre prochain la même assistance que nous aurions prié Dieu si instamment de nous accorder, lorsqu'il nous la demanderait en usant des mêmes termes dont nous nous serions servis pour l'obtenir? Mais pour dire sur cela tout en un mot, il ne faut que nous souvenir de ces paroles de David. Béni soit le Seigneur qui n'a point retiré de moi ni ma prière ni sa miséricorde. Psaume 65, 19. Sur quoi saint Augustin dit, nous pouvons nous assurer que si Dieu ne retire point de nous notre raison, il ne retirera point de nous sa miséricorde. Souvenez-vous aussi de ce que Jésus-Christ a dit. Votre Père céleste donne le bon esprit à ceux qui te lui demandent, Luc 11, 13. Et c'est ce bon esprit, comme dit saint Paul, qui nous fait accomplir la loi de Dieu, ce qui montrera que c'est par le moyen de l'oraison que nous l'accomplissons et que nous ayons sujet d'espérer que Dieu nous fera miséricorde. Considérez donc, je vous prie, en quel état se trouve une personne qui, faute de faire oraison, ne peut accomplir cette loi de Dieu, ni par conséquent espérer qu'il lui fera miséricorde? Sur quoi je dois vous avertir de l'erreur de quelques-uns qui, sous prétexte que saint Paul dit qu'il faut prier en tout lieu, Romains 3, s'imagine qu'il n'est pas besoin de prier de temps en temps et dans quelques lieux retirés, mais qu'il suffit de prier indifféremment partout, car encore qu'il soit bon de prier en tout lieu, nous ne devons pas nous en contenter, si nous voulons imiter Jésus-Christ et les saints. Il est certain que nous ne saurions utilement prier en tout lieu, si nous n'avons appris auparavant, en priant dans quelques lieux retirés et en y employant un temps assez considérable, de quelle sorte il faut prier. Chapitre 71. Que la pénitence est comme le premier pas pour aller à Dieu par une véritable douleur de nos péchés accompagnée d'une sincère confession de les avoir commis, et des moyens d'y satisfaire. La pénitence est le premier pas pour s'approcher de Dieu, mais pour la bien faire il importe extrêmement de cesser de s'appliquer aux affaires temporelles et de renoncer à toute conversation pour ne s'occuper qu'à se souvenir de tous les péchés que l'on a commis, et de se servir pour ce sujet de quelques livres qui apprennent à bien servir Dieu. Il faut ensuite, après avoir pleuré ses péchés, s'adresser à un confesseur qui en qualité de médecin spirituel, soit capable d'y apporter le remède nécessaire, et lui exposer tout ce que l'on a sur la conscience avec autant de sincérité que si l'on était assuré de mourir ce jour, là et de comparaître devant le jugement de Dieu. On doit employer un mois ou deux à cette préparation avec d'aussi grands sentiments de douleur que l'on a eu de joie pour de faux plaisirs. On peut, outre le moyen que je viens de proposer de penser à la mort et au jugement de Dieu, afin d'éviter de tomber dans cet abîme infernal où l'on brûle d'un feu qui ne s'éteindra jamais, se servir de quelques bons livres. Il sera bon aussi d'avoir une image du crucifix pour se remettre devant les yeux que nos péchés ont été la cause des horribles tourments que notre Seigneur a souffert. Il faut alors considérer ce divin Rédempteur depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, et peser jusqu'à la moindre de ses douleurs, en pleurant nos péchés à qui on les doit attribuer. Puisque notre orgueil a été la cause de ce qu'on l'a déshonoré, nos plaisirs de ses souffrances, et ainsi du reste. Car, Si un fils voyait déchirer son père à coups de fouet pour une faute que ce serait lui qui aurait commise et non pas son père, et entendait un héros prononcer à haute voix que celui qui avait fait ce crime méritait d'être puni de la sorte, ce fils ne devrait-il pas avoir le cœur percé de douleur de voir que son péché aurait coûté si cher à son père, et à moins que d'être un enfant dénaturé, désirer de tout son cœur d'être puni au lieu de lui? Cette pensée, qu'un Dieu a souffert le châtiment que nous méritions, ne doit-elle pas nous donner une plus grande affliction que toutes les peines dont on aurait puni nos péchés, et nous faire dire, « C'est nous, Seigneur, qui avons failli, et c'est vous qui en recevez la punition. Nos crimes vous ont fait recevoir toutes sortes d'opprobres et mourir sur une croix. » C'est là la manière dont un pécheur doit gémir dans la vue de ses péchés et y joindre le désir de souffrir pour l'amour de Dieu tout ce qui lui plaira. Mais après s'être examiné de la sorte, avoir satisfait à ce que son confesseur lui aura ordonné, et reçu l'absolution sacramentale, il peut croire avec confiance que Dieu lui pardonnera, et son âme sera consolée. Chapitre 72. Que le second pas pour s'approcher de Dieu est de le remercier de nous avoir fait venir vers lui par la pénitence, et de méditer en chaque jour de la semaine quelque article de la Passion. Après avoir purifié l'âme des péchés qui, si l'on y avait remédié, lui auraient causé la mort, il faut extrêmement remercier Dieu d'une si grande faveur que de ne nous avoir pas seulement, en nous les pardonnant, délivrés des peines de l'enfer, mais de nous avoir reçus au nombre de ses enfants, en quoi nous devons reconnaître que nous sommes obligés de toutes ses grâces, au mérite du sang de son Fils unique, qui est mort pour donner la mort à nos péchés, et ressuscité pour notre justification, en nous redonnant une nouvelle vie. Car si Job disait que le pauvre qu'il avait revêtu, le bénirait, quelle bénédiction ne devons-nous point donner à Jésus-Christ crucifié, de ce que notre âme se trouve délivrée de tant de maux et consolée par tant de faveurs dont nous lui sommes redevables, puisque l'on ne pourrait y manquer sans une étrange ingratitude. Que si, lorsque Dieu nous fait quelque grâce particulière, nous devons aussitôt nous dégager de toute autre occupation pour l'en remercier dans la retraite et le silence, à combien plus forte raison doit-on prendre quelque temps en chaque jour pour penser en cette sorte à la Passion de notre Seigneur, et lui rendre grâce des biens qu'elle nous a procurés en lui disant du fond du cœur avec David, « Je n'oublierai jamais vos préceptes parce que ça a été par eux que vous m'avez rendu la vie » Psaume 119, 93. Vous pourrez, ma fille, agir pour cela en cette manière, si vous n'en trouvez point de meilleur. Pensez le lundi à la prière que Jésus-Christ fit dans le jardin des Oliviers où il fut pris, et à ce qui se passa cette nuit-là dans les maisons d'Anne et de Caïphe. Le mardi, aux accusations faites contre lui, et à la cruauté avec laquelle il fut attaché à une colonne et déchiré à coups de fouet. Le mercredi, comme il fut couronné d'épines, moqué, outragé et revêtu d'une robe d'écarlate avec un roseau en sa main, et présenté ainsi à tout le peuple en disant, « Voici l'homme. » Quant au jeudi, on ne saurait considérer en ce jour-là un plus grand mystère que cette profonde humilité avec laquelle Jésus-Christ lava les pieds à ses apôtres et leur donna son corps à manger et son sang à boire, en leur commandant, et en leur personne à tous les prêtres qui devaient leur succéder, de faire la même chose en mémoire de lui. Imaginez-vous que vous êtes présents dans ce lavement des pieds et dans cet admirable banquet. Et espérez de la bonté de Dieu que vous ne sortirez pas de l'un sans que votre âme soit purifiée de ses tâches, et de l'autre sans qu'elle soit rassasiée. Le vendredi, vous penserez de quelle sorte notre Seigneur fut présenté à Pilate, condamné à mort, chargé de sa croix, crucifié, et à tout le reste de ce qui se passa dans cette funeste journée jusqu'à ce qu'il remît son âme entre les mains de son Père et rendit l'esprit. Le samedi, vous vous représenterez la plaie faite dans son sacré côté par un coup de lance, comme on le descendit de la croix, comme on le mit dans le sépulcre. Et vous suivrez en esprit son âme dans les limbes pour voir la joie que les saints pères reçurent de sa venue. Vous penserez aussi attentivement aux douleurs de la Sainte Vierge, et lui tiendrez une fidèle compagnie. En quoi, outre que vous vous acquitterez de ce que vous devez, vous en tirerez un grand avantage. Je ne vous dis rien du dimanche, parce que vous savez assez qu'il est particulièrement destiné à la pensée de la résurrection et à la gloire dont les saints jouissent dans le ciel. Mais je vous recommande particulièrement de dormir le moins que vous pourrez la nuit du jeudi pour ne point abandonner notre Seigneur, qui, après avoir été conduit chez Anne et chez Caïphe, après avoir reçu tant de soufflets et autres outrages, passa le reste de la nuit sans pouvoir fermer les yeux, et souffrit tant d'autres tourments, que saint Jérôme ne craint point de dire qu'ils ne seront connus que dans le jour du jugement. Demandez-lui de vous faire part de ses peines, résolvez-vous d'en souffrir la nuit du jeudi quelqu'une, selon qu'il vous l'inspirera, puisqu'un chrétien doit avoir honte de ne mettre point de différence entre une si triste nuit et les autres. Ce qui a fait dire à une personne de grande piété qu'elle s'étonnait que l'on pût dormir cette nuit-là. Et je crois qu'elle dormait aussi peu durant celle du Vendredi Saint. Chapitre 73. De la manière de méditer sur la vie et la passion de Jésus-Christ. On peut s'exercer en deux manières à méditer sur la vie et sur la mort de notre Seigneur, l'une en nous représentant seulement sa figure corporelle, et l'autre sans nous la représenter, mais le considérant seulement en esprit sans le secours d'aucune image sensible. Sur quoi, vous devez savoir que, puisqu'un Dieu invisible s'est rendu visible, en se faisant homme afin de nous conduire par ce qu'il y avait de visible en lui à ce qui en est invisible, il a été sans doute fort avantageux à ceux qui l'ont vu, de le regarder des yeux du corps pour le mieux voir avec les yeux de l'esprit qui sont ceux de la foi, si leur incrédulité ou leur malice ne les en ont empêchés. Car ils ont en cela joui du bonheur que tant de rois et de prophètes ont si ardemment souhaité sans le pouvoir obtenir, que si n'étant venu au monde que depuis sa mort, nous ne pouvons jouir d'un si grand bien, nous devons tâcher d'en profiter le mieux que nous le pourrons, et c'est pour cette raison que la Sainte Église, notre Mère, a introduit l'usage des images de notre Seigneur afin de nous réveiller par ce moyen, et nous faire recevoir, par cette représentation, quelques petites parties des avantages que nous recevrions de sa présence, et qui doute que si nous retirons du profit d'une image qui ne nous est qu'extérieure, nous n'en tirions pas beaucoup plus de ce qui sera peint dans notre imagination. En nous en servant comme d'un degré pour nous élever à ce qu'elle représente, car il n'y a rien de ce qui regarde notre Seigneur qui n'ait une vertu admirable pour nous porter à lui. Ainsi, encore que ces choses vous paraissent petites, vous devez les considérer comme grandes, parce que ce sont des moyens pour arriver à de grandes, et Dieu s'en sert pour commencer, par cet abaissement, à humilier ceux qu'il veut élever. C'est pourquoi ceux qui, aussitôt qu'ils entrent dans la piété, s'appliquent à des pensées fort élevées, parce qu'elles leur sont plus agréables et leur paraissent plus dignes d'être recherchées, ne peuvent manquer de tomber selon ce que dit l'Écriture. Celui qui va trop vite tombera. Proverbe 19, 2. Celui qui se hâtera de s'enrichir ne sera pas innocent. Proverbe 28, 20. Et personne ne doute qu'une maison bâtie sans fondement ne tombe bientôt. Ainsi, lorsque ces personnes veulent après s'appliquer à des choses proportionnées à leur petitesse, ils se trouvent dans l'impuissance de le faire parce qu'ils ont pris goût à de plus grandes, et sont comme un oiseau qui, étant sorti de son nid avant que ses ailes fussent assez fortes, ne saurait y retourner. C'est pourquoi il faut commencer comme je l'ai dit, par considérer nos péchés, et porter ensuite nos pensées à la sacrée humanité de Jésus-Christ, afin de pouvoir nous élever jusqu'à la considération de l'immense grandeur de sa divinité. Chapitre 74. De la manière de méditer particulièrement et avec fruit sur la vie de notre Seigneur. Quand vous aurez, ma chère fille, passé dans votre retraite et dans les occupations que je viens de dire, le temps que vous aurez résolu d'y employer, confessez-vous de tous vos péchés pour en demander pardon à Dieu, et particulièrement de ceux que vous aurez commis depuis votre dernière confession, récitez quelques-unes des oraisons vocales dont j'ai parlé dans le traité de la connaissance de nous-mêmes, et lisez quelques endroits de la Passion de Jésus Christ dans de bons livres qui entraident pour apprendre de quelle manière vous devez vous y appliquer. Parce qu'il faut extrêmement vous instruire de sa vie et de sa mort afin de vous pouvoir réveiller pour ne vous pas égarer dans vos pensées et tomber dans la tiédeur. Que si vous ne pouvez lire à une seule fois tout ce que le livre traite sur cet endroit, cela n'importe pas de beaucoup, puisque vous pourrez achever de le lire dans un semblable jour de la semaine suivante, outre qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit ailleurs, que votre lecture aille jusqu'à vous lasser, mais qu'elle serve seulement pour vous réveiller l'esprit et vous donner matière de méditer et de prier. Entre les livres qui traitent de la Passion, que je crois pouvoir plus vous servir, sont les méditations de saint Augustin en latin, celles du père Louis de Grenade en langue vulgaire, et le traité du Chartreux qui a écrit sur tous les évangiles. Votre lecture étant achevée, mettez-vous à genoux et demandez instamment et humblement à notre Seigneur de vous donner par son Saint-Esprit la lumière nécessaire pour avoir le sentiment que vous devez de ce que Jésus Christ a souffert pour l'amour de vous. Priez-le avec grande ardeur de ne pas permettre qu'étant obligé à l'imiter dans sa passion, vous tombiez dans une aussi grande ingratitude que serait celle de ne l'avoir pas seulement présente dans votre esprit, et pour cela imprimez autant que vous le pourrez dans votre cœur les circonstances et le sens du passage que vous aurez pris pour sujet de votre méditation, mais s'ils ne vous reviennent pas dans la pensée, ne vous en mettez non plus en peine que s'ils vous étaient présents, et ne vous tourmentez point pour aller en esprit chercher notre Seigneur en Jérusalem où ces choses se sont passées, afin de considérer de quelle sorte il y a souffert. Car cela ne servirait qu'à vous faire mal à la tête et refroidir votre dévotion. Contentez-vous de regarder ce divin Sauveur comme s'il vous était présent, et que vous fussiez à ses pieds ou prosterné en terre toute proche de lui. Considérez avec un profond respect ce qu'il souffrait alors, et écoutez avec une extrême attention toutes les paroles sorties de sa bouche, mais surtout attachez les yeux de votre âme sur son sacré cœur avec un très vif, mais tranquille sentiment, pour voir que l'amour dont il brûle pour tous les hommes surpasse autant ce qui paraît au dehors de ses souffrances, quoiqu'elles soient inconcevables, que le ciel est au-dessus de la terre. Gardez-vous bien de vous laisser aller à ces tristesses forcées qui ne produisent point d'autre effet que quelques petites larmes qui, n'étant pas naturelles, ne font, comme disait l'abbé Isaac, que troubler cette attention tranquille avec laquelle il faut considérer sa mystère. Sécher le cœur et le rendre incapable de recevoir les sentiments que Dieu donne dans la paix et dans le repos, outre que cela ruine la santé, et que le dégoût que donne à l'âme la peine qu'elle a eue lui l'est appréhendée de se rengager dans ses exercices. Mais si, sans que vous vous fassiez aucune violence, il plaît à notre Seigneur de vous faire dans un grand repos répandre des larmes par la compassion de ses souffrances, et de vous donner quelques autres sentiments de dévotion, recevez-les, pourvu qu'ils n'aillent pas jusqu'à un tel excès que de nuire notablement à votre santé, ou que vous vous trouviez si incapable à y résister, qu'il vous fisse jeter des cris ou donner d'autres marques extérieures de ce qui se passerait en vous, parce que si vous vous y accoutumiez, vous ne pourriez plus vous empêcher de tomber devant le monde, dans les mêmes excès que dans votre oratoire, ce qu'il faut extrêmement éviter. Ne vous laissez donc pas aller à ces tristesses et à ces larmes forcées. Et faites au contraire tout ce que vous pourrez pour acquérir une solide dévotion sans vous mettre en peine de cet autre qui n'est qu'extérieur et sensuel. C'est là le moyen de conserver des sentiments véritablement dévots et spirituels, au lieu que ceux qui ne sont que sensuels et corporels non seulement ne durent guère, mais ne laissent guère durer les spirituels, si ce n'est qu'ils les retiennent, de peur qu'en les perdant ils ne se perdent aussi eux-mêmes. On peut permettre néanmoins à ceux qui commencent de goûter davantage la douceur de ce lait, qu'à ceux qui, étant plus avancés dans la piété, se rendent attentifs à comprendre d'une manière spirituelle la grandeur de ce divin Rédempteur qui souffre, l'excès des tourments qu'il souffre, l'extrême amour avec lequel il souffre, et l'indignité de ceux pour qui il souffre. Pourvu que ces personnes désirent de l'imiter dans cet amour et ces souffrances, selon les forces qu'il leur donne, que si, étant dans cette disposition, ils ont ces sentiments dont j'ai parlé, ils ne doivent pas les rejeter, mais au contraire l'en remercier sans s'y attacher comme à une chose essentielle. Quoique je sache qu'il y a un amour de Dieu si ardent que non seulement il ne tire pas des larmes des yeux, mais les sécher les empêche d'en sortir, je dois vous avertir qu'il ne laisse pas d'y en avoir un autre qui cause dans la partie sensitive et dans les yeux les effets dont j'ai parlé, sans qu'on puisse les en blâmer. La doctrine chrétienne n'étant pas une doctrine de stoïque qui condamne les passions même louables, car il nous suffit de savoir que Jésus, Christ a été triste et a pleuré pour croire qu'on ne doit pas l'improuver dans les hommes même les plus parfaits. Oh, que ces ignorants qui se sont voulu mêler de traiter de la vie spirituelle se sont fait de tort et aux autres en s'attribuant le pouvoir de juger sans avoir pour guide que leurs aveugles sentiments, en quoi je n'entends parler que de ceux qui se sont trompés en s'imaginant que des choses qui sont bonnes étaient mauvaises. Chapitre 75. Avis important pour s'exercer avec encore plus de fruit à la prière et à la méditation, et pour éviter quelques fautes dans lesquelles tombent les ignorants. Je dois aussi, ma chère fille, vous avertir de ne pas faire de trop grands efforts pour imprimer dans votre imagination l'image de notre Seigneur, car cela cause d'ordinaire un si grand mal, que quelque, Un croyant voit réellement cette image qui n'est que dans leur esprit, en perdent l'esprit ou en conçoivent de l'orgueil, mais quand cela n'arriverait pas, il cause une altération à la santé qui est presque irrémédiable. C'est pourquoi il faut vous conduire de telle sorte, dans cet exercice de la méditation, que sans discontinuer entièrement de vous représenter cette image et de l'imprimer dans votre imagination, vous vous la mettiez peu à peu dans l'esprit sans vous travailler, et que vous ayez quelques images bien dévotes des mystères de la passion, qui, en les regardant quelquefois, vous soulage de la peine que vous auriez de vous les imaginer. Considérez beaucoup que vous ne devez pas seulement fuir le péril que je vous ai dit avoir de vous imaginer avec travail ces mystères de la passion, mais même d'y penser avec tant d'application, que vous vous fassiez mal à la tête, parce qu'outre le mal qui en arriverait, cela cause une sécheresse dans l'âme qui donne du dégoût de l'oraison. Méditez donc d'une manière qui n'est rien de contraint, ce qui ressemblerait plus à une étude qu'à une méditation. Ne vous appuyez que sur le secours de Dieu qui vous aidera à méditer, et si vous n'en pouvez venir à bout et sentez que la tête vous fait mal, ne passez pas plus avant, mais demeurez en repos sans vous tourmenter davantage. Humiliez-vous devant Dieu, et demandez, lui avec simplicité et tranquillité la grâce de vous mettre dans l'esprit ce qu'il veut que vous pensiez. Ne présumez jamais de raisonner avec effort en la présence de Dieu, mais soyez devant lui comme un enfant ignorant et un humble disciple qui attend avec grande soumission et attention ce qu'il plaira à son maître de lui enseigner et de lui dire. Sachez que le cœur doit en cela beaucoup plus agir que la tête, puisque l'amour est la fin à laquelle doivent tendre toutes vos pensées et vos prières. Et combien y a-t-il de personnes qui, faute de bien connaître cette tranquillité et ce repos si nécessaire dont j'ai parlé, se sont donné beaucoup de peine, et à autrui, ont ruiné leur santé, et n'ont pas fait beaucoup de bien qu'ils auraient pu faire. Si Dieu vous fait la grâce, ma fille, de vous donner cette méditation tranquille, elle durera davantage, et le temps que vous y emploierez, quoi qu'il soit plus long, ne vous donnera point de peine, au lieu qu'autrement ce serait tout le contraire. Je vous ai déjà averti que, comme l'abeille se renferme dans sa ruche pour faire son miel, vous devez vous renfermer dans votre cœur pour présenter à Dieu ce qui s'offrira à vous de dehors, afin de lui demander la lumière dont vous avez besoin pour vous bien conduire. Ainsi que Moïse entrait dans le tabernacle pour le consulter, que s'il vous arrive du dehors quelque sujet de tentation, retirez-vous dans cette demeure que vous aurez établie en vous-même, vous y trouverez notre Seigneur, et vous vous moquerez par ce moyen, des démons qui, ne pouvant vous nuire qu'en entrant par de mauvaises pensées dans votre esprit, en trouveront ainsi la porte fermée. Comme pour continuer dans ce saint exercice et en profiter, il faut, en quelque manière que ce soit, être dans le repos, je dois vous dire que si vous avez la force de demeurer à genoux durant ces entretiens avec Dieu, vous le devez faire, parce que l'on ne saurait rendre trop de respect à une si haute majesté, et que Jésus-Christ lui-même nous en a montré l'exemple, en priant son Père, à genoux, dans le jardin des Oliviers. Mais si l'on se trouve trop faible pour prier en cette sorte, principalement quand on est longtemps en oraison, et que cela empêche la tranquillité d'esprit nécessaire pour avoir de l'attention à Dieu, et donne de l'inquiétude, il faut trouver quelque moyen d'éviter cette inquiétude, parce qu'encore que l'oraison serve à satisfaire à Dieu pour nos péchés, néanmoins, Comme la lumière qu'il nous y donne et les autres faveurs qu'il nous y fait nous sont encore plus avantageuses, il faut, si nous ne pouvons les conserver ou demeurons à genoux, préférer ce qui nous est le plus utile. Lorsqu'il vient dans l'oraison une pensée qui paraît meilleure que celle que l'on avait, on peut la suivre. Mais il faut prendre garde que cette nouvelle pensée ne soit une tromperie du démon pour faire perdre le fruit de l'oraison en passant d'une chose à une autre, ou une légèreté d'esprit qui, n'étant pas content de la pensée qu'il avait, en cherche une autre qui lui soit plus agréable. Vous ne devrez donc pas quitter légèrement la pensée que vous aviez, mais seulement lorsque vous vous en trouverez intérieurement pressé par une satisfaction que l'on ressent d'ordinaire quand c'est Dieu qui agit en cela. Pour ne vous y pas tromper, demandez-lui de vous éclairer de sa céleste lumière, et remarquez l'avantage que vous aurez tiré d'en user de la sorte après en avoir fait diverses expériences. Si lorsque vous lirez ou prierez vocalement, notre Seigneur vous donne quelques sentiments intérieurs, quittez votre lecture et votre prière pour recevoir cette faveur qu'il vous fait, et reprenez-les ensuite. Parce que la méditation étant un moyen de réveiller la dévotion intérieure, on ne doit pas s'en servir pour l'empêcher. Je ne me serais pas tant étendu sur ces particularités si je n'avais vu des personnes si scrupuleusement attachées à leurs prières ordinaires, qu'encore qu'elles aient sujet de croire que Dieu veut qu'elles les interrompent pour les conduire par un autre chemin, elles ne s'y peuvent résoudre, mais veulent, par une fausse prudence, continuer de marcher par celui qu'elles ont accoutumé. Quoiqu'il n'y ait rien de plus contraire à cet exercice de piété que de se croire capable de se conduire selon son propre sens. J'ai vu aussi plusieurs personnes qui, se croyant fort savantes dans tout ce qui regarde l'oraison, et en discourant comme n'en ignorant rien, la faisaient néanmoins fort mal, parce que leur attention à observer ces règles, qu'elles s'étaient prescrites, leur faisait perdre cette humilité et cette simplicité d'enfant avec lesquelles on doit alors traiter avec Dieu, ainsi que je l'ai déjà dit. Je ne prétends pas néanmoins, en parlant de la sorte, que l'on doive rejeter les moyens dont on se peut servir raisonnablement pour faire oraison, et principalement ceux qui commencent à s'y exercer. Mais il faut que ce soit avec une certaine liberté qui ne nous empêche pas de recevoir les faveurs qu'il plaît à Dieu de nous faire, et vous devez croire que ce ne sont pas ceux qui ont en cela le plus de méthodes qui y profitent davantage, mais ceux qui ont le plus d'humilité, de persévérance et de regret de leurs fautes. Chapitre 76. Que la fin que l'on doit se proposer en méditant sur la passion de notre Seigneur est de l'imiter, et en quoi consiste principalement cette imitation. Vous devez savoir, ma chère fille, que pour profiter de cette méditation des souffrances de Jésus-Christ, il faut avoir pour fin de l'imiter, puisque c'est en cela que consiste l'accomplissement de la loi. Ce que je vous dis, parce qu'il y a des personnes qui, tenant les heures qu'elles donnent à l'oraison très bien employées et estimant beaucoup la douceur qu'elles y ressentent, ne pensent point à en profiter, s'imaginant, tant elles sont trompées, que ceux-là sont les plus saints qui emploient le plus de temps à la prière et qui reçoivent le plus de consolation, au lieu que dans la vérité, ce sont ceux qui ont le plus de mépris d'eux-mêmes et une plus grande charité, parce que c'est en cela que consiste la perfection de la vie chrétienne et l'accomplissement de toute la loi. C'est donc à quoi doivent tendre toutes nos prières et nos bonnes œuvres, sans nous contenter d'avoir employé quelque temps à se confesser, à communier, à prier, à d'autres exercices de piété. L'Écriture sainte nous apprend que lorsque Moïse, après avoir passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sina dans une continuelle communication avec Dieu, en fut descendu pour traiter avec les hommes, il ne leur raconta ni les visions qu'il avait eues, ni les secrets qui lui avaient été révélés, mais que son visage était tout resplendissant de lumière, et qu'il portait dans ses mains 2 tables de pierre dans la première desquelles étaient écrits les 3 commandements qui regardent la gloire de Dieu, et dans la seconde les 7 autres qui marquent tous nos devoirs envers le prochain, ce qui montre que celui qui traite avec Dieu dans l'oraison, doit avoir l'entendement éclairé pour connaître ce qu'il est obligé de faire, et la volonté disposée et résolue à exécuter la loi de Dieu, comme aussi que celui qui fait profession de prier, doit faire profession de bien vivre et d'être tel dans toute sa conduite, que l'on reconnaisse que Dieu avec qui il a traité, a répandu dans son âme quelques rayons de cette suprême vérité et de cette parfaite pureté dont il est l'éternelle source. Car il y a des personnes qui, après avoir passé quelque temps dans la vue des outrages que notre Seigneur a soufferts en sa passion, s'il arrive qu'au sortir de là en fasse quelque chose qui les offense, ils se laissent tellement emporter d'impatience, qu'il semble qu'ils n'aient appris dans l'oraison qu'à ne rien souffrir. Je ne sais à qui comparer ces personnes, sinon à ceux qui, ayant songé en dormant qu'ils faisaient des choses excellentes, font tout le contraire après qu'ils sont éveillés. Car que peut-il y avoir de plus extravagant que d'admirer la patience de Jésus-Christ dans ses peines, et n'en vouloir pas avoir dans les nôtres? Ne serait-ce pas comme lui dire, quelque pesante, Seigneur, que soit votre croix, portez-la tout seul, car je ne veux pas vous soulager en portant la mienne quelque légère qu'elle soit. La compassion cure les apôtres des souffrances de notre Seigneur leur fit répandre des larmes, mais ils témoignèrent leur lâcheté et l'offensèrent en l'abandonnant, et c'est ce que font aujourd'hui les mauvais chrétiens. C'est pourquoi, en considérant sa passion, vous ne devez pas n'en être que légèrement touché. Il faut que vous l'accompagniez dans ses souffrances et vous résolviez à boire son calice quelque amer qu'il vous paraisse. L'une des premières choses que vous avez à faire pour l'imiter est la mortification de votre corps, afin d'avoir quelque ressemblance avec lui dans ses douleurs qui ont été inconcevables. Considérez de quelle sorte on lui fit boire du fiel et du vinaigre, et en quel état il se trouva, lorsqu'on le dépouilla et qu'on ne laissa aucune partie de son corps qui ne souffrit. Apprenez par là à n'avoir rien que de très simple dans votre logement, dans vos habits, dans votre vivre, et généralement dans toute chose, afin que la croix y paraisse en tout. Suppléez par votre désir à ce que vous ne pourrez faire, demandez à notre Seigneur de vous donner de la force, et pleurez de douleur de ce que lui, étant sur la croix, vous n'êtes pas digne de le suivre. C'est là ce que les chrétiens qui méditent sur sa passion doivent faire pour l'imiter, car étant venu sur la terre pour converser avec les hommes et leur enseigner le chemin le plus sûr pour aller au ciel, il a choisi en sa naissance la pauvreté, la rigueur du froid et l'exil. Ses travaux se sont augmentés avec son âge, et la fin de sa vie n'a été qu'une augmentation de douleur. Ainsi, quelque basse que paraissent ces choses en elles-mêmes, il les a tellement rehaussées en les souffrant, qu'il les a rendues belles, honorables et si avantageuses pour notre salut, qu'on ne saurait trop les désirer. Car si lorsqu'un roi temporel amène quelque nouvelle mode, Tous ces sujets font gloire de l'imiter, ce roi des rois, en comparaison duquel toute la grandeur humaine n'est que bassesse. N'aura-t-il pas ce pouvoir ? Quiconque n'a pas ce sentiment ne saurait passer pour l'un des sujets de ce souverain monarque, puisqu'il ne tient pas à honneur de lui ressembler. Il y a de l'honneur, dit saint Bernard, à vouloir bien être déshonoré comme l'a été un dieu crucifié. Mais pour être dans ce sentiment, il faut n'être pas ingrat des obligations qu'on lui a. Si un roi a les pieds nus par un chemin rude, avec le sac et la cendre sur la tête et tout trempé de sueur, afin de donner de la compassion à ses sujets, il y aurait-il qui, soit par affection, ou par honte refusât de le suivre en ce même état, comme les serviteurs de David le suivirent lorsqu'il fuyait devant Absalom? Et si ce roi commandait à quelqu'un de l'accompagner à cheval et à son aise, n'aurait-il pas honte de lui obéir, et ne le supplierait-il pas de ne lui point faire ce tort? Que si ce prince le lui commandait absolument, ne s'estimerait-il pas malheureux de ne pouvoir comme les autres avoir l'honneur d'imiter son roi? Et le travail ne lui serait-il pas beaucoup plus agréable que ce soulagement qu'il n'aurait pu éviter de prendre? C'est là le sentiment qu'ont ceux qui pensent à Jésus-Christ crucifié, s'ils connaissent, comme dit saint Bernard, l'obligation qu'ils lui ont de s'être abaissé jusqu'à vouloir souffrir dans cet exil de la terre de plus grands travaux que nul autre n'en a jamais enduré. Ceux qui sont dans cette disposition, non seulement ne les fuient pas, comme dit saint Jacques, mais ont ce divin sauveur crucifié tellement présent, qu'ils mettent en cela tout leur consentement et tout leur honneur. Ils le portent selon expression de l'épouse dans le cantique, comme un cachet sur leur cœur et un bracelet sur leurs bras. Ils foulent aux pieds ces idoles des Égyptiens qui sont les honneurs, les richesses et les plaisirs que les autres adorent. Ils les lui offrent avec action de grâce de la faveur qu'il leur fait de leur permettre de l'accompagner dans ses souffrances, et il n'y a rien qu'ils ne fissent pour lui témoigner leur amour, parce que comme la vue du sang redouble le courage des éléphants, celui qui l'a répandu pour eux les anime à ne trouver rien de difficile pour son service que s'ils ne peuvent se dispenser de prendre du repos et de posséder des biens et des honneurs. Ils ne s'y résolvent que par obéissance, n'en eussent qu'en tremblant et ont besoin qu'on les console de ce que leur roi allant à pied, comme nous l'avons dit, ils le suivent à cheval. Telle est la grandeur de l'excellence de la vie chrétienne, et c'est ainsi que la mort d'un dieu a fait un tel changement, que ce qui était amer paraît maintenant très doux, ce que l'on méprisa, est devenu honorable, et que l'on a même du dégoût pour ce qui est l'objet des souhaits des gens du monde. C'est là, ma chère fille, l'effet que je souhaite que la méditation de la passion de Jésus-Christ produise en vous et qu'elle vous fasse tant aimer la mortification, que si l'on ne vous fait pas souffrir les maux que Jésus, Christ et ses apôtres ont endurés avec joie, vous cherchiez autant que vous le pourrez des moyens de souffrir, et remerciez beaucoup Dieu lorsque vous en rencontrerez, afin qu'en faisant un bon usage, vous en envoie davantage. Car, encore que saint Paul dise que les exercices corporels servent de peu, 1 Timothée 4, 8, cela ne se doit entendre qu'étant comparé à de plus importants par lesquels on satisfait aux peines du purgatoire, on acquiert plus de grâce, un plus grand degré de gloire, et l'on rend de plus grands services à Dieu ce que Jésus, Christ nous a fait entendre lui-même par ses paroles. C'était là les choses qu'il fallait pratiquer sans néanmoins omettre les autres. Matthieu 23, 23. Chapitre 77. Que la mortification des passions est le second fruit que l'on doit tirer de la méditation de la passion de Jésus-Christ, et de quelle sorte on peut s'exercer en cette méditation. Ce que vous devez faire ensuite, ma chère fille, pour profiter peu à peu de la méditation de la sacrée passion de notre Seigneur, et de vous en servir pour guérir les plaies que les passions font dans votre âme, car ce n'est pas sans raison qu'Isaïe en parlant par un esprit, de prophétie de cette passion de notre Sauveur, la nomme la fleur de l'arbre de Jessé parce que de même que les fleurs des arbres sont des remèdes pour la santé, les souffrances de Jésus, Christ sur l'arbre de la croix étant considérées avec l'attention et les sentiments qu'elles doivent être sont capables de guérir les plaies de nos âmes, quelque grande qu'elle soit. C'est ce que saint Augustin témoigne avoir éprouvé lorsqu'il dit, « Quand quelque pensée d'impureté m'importune, j'ai recours aux plaies de Jésus-Christ. Quand le diable me représente mes péchés, je me cache dans ces mêmes plaies, ce qui le met aussitôt en fuite, et quand je me sens combattu par quelques sentiments déshonnêtes, je n'ai pour le faire cessé qu'à me souvenir aussi de ces plaies de mon Sauveur, et enfin, quoi qu'il m'arrive, j'y trouve un remède si puissant, que je dors tranquillement et en assurance. » Saint Bernard a parlé de la même sorte, et tous ceux qui, étant combattus par leur passion ont eu recours à ces sacrées plaies, comme la biche pressée des chiens a recours à une fontaine et prouve que tant qu'elles lui ont été douloureuses, elles leur sont favorables, car de même que ceux qui avaient été piqués par de véritables serpents étaient guéris en regardant le serpent d'airain que Moïse fit élever dans le désert, parce qu'encore qu'il en eût la ressemblance il n'en avait pas le venin, ainsi, quoique Jésus-Christ eût une chair véritable, capable de sentir nos peines et qui avait la ressemblance de la chair du péché, elle était néanmoins exempte de tout péché parce que c'était la chair d'un Dieu formé par le Saint-Esprit et conservé pur par lui, tellement, qu'après être mort sur la croix, il a été délivré de la mort par sa résurrection, et il guérit des morsures des tentations ceux qui ont recours à lui avec foi et avec amour. Puis donc que vous avez, ma fille, un remède si puissant pour vous guérir, que vous reste-t-il, sinon de considérer très particulièrement quels sont les serpents cachés dans vous, même et qui vous piquent, examinez pour cela en chaque jour et avec grand soin vos inclinations les plus fortes, vos passions les plus vives, vos fautes les plus ordinaires. Et autre chose semblable afin d'acquérir par ce moyen une si grande connaissance de vos défauts, qu'ils vous soient toujours présents. Car à moins que d'être aidé de cette céleste lumière qui vous fera voir jusque dans la racine de votre cœur, vous ne pourriez de longtemps arriver à cette connaissance, parce que cette racine est si profonde, que Dieu seul la peut voir entièrement. Il vous sera aussi fort utile pour ce sujet de vous représenter les vertus que notre Seigneur a pratiquées dans sa passion, puisqu'il doit être le miroir que votre âme renarde sans cesse pour lui plaire, comme les femmes regardent leur miroir pour se rendre agréable à leur mari. Considérez donc en lui son extrême douceur, son ardente charité, son invincible patience, son profond silence, et ils vous feront connaître vos imperfections, quelque cachées elles soient. Vos vertus mêmes étant comparées aux siennes vous paraîtront pleines de tâches et ainsi vous aurez également honte de vos fautes et de vos vertus. Mais que cela ne vous décourage pas, présentez-vous tel que vous êtes à notre Seigneur, en gémissant et en vous plaignant, Comme un enfant qui montre à sa mère une épine qui lui est entrée dans la main, et lui demande par ses larmes de la retirer. Et cet adorable père le fera sans doute, car comme il est ce divin miroir qui vous fait apercevoir vos fautes, son exemple est le remède qui les guérit. Les outrages qu'il a soufferts pour l'amour de vous vous détacheront de l'affection de l'honneur, sa patience éteindra votre colère, le fiel et le vinaigre dont il a goûté vous feront aimer l'abstinence. L'obéissance qu'il a rendue à son père jusqu'à mourir sur une croix, vous apprendra à lui obéir dans les choses les plus pénibles, celle qu'il a même eue pour ses bourreaux vous portera à vous assujettir, non seulement à vos supérieurs et à vos égaux, mais à vos inférieurs, suivant ces paroles de saint Pierre, soyez soumis pour l'amour de Dieu à toute créature. 1 Pierre 2, 13. Ce qu'il a souffert en répandant son sang pour le salut de tous les hommes, afin de les rendre capables d'obéir à ce qui leur avait été ordonné en disant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean, 13, éteindra en vous tout désir de dominer, et enfin vous éprouverez la vérité de ce que dit saint Paul, que le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, Romains 6, que si vous ne sentez pas sitôt que vous le désireriez l'effet de ce remède qui doit vous rendre victorieuse de vos passions, ne vous découragez pas et n'abandonnez pas votre entreprise. Mais connaissant que la dureté de votre cœur et votre malice sont plus grandes que vous ne pensiez, gémissez encore davantage, et demandez avec encore plus d'humilité à notre Seigneur que, puisqu'il est mort pour l'amour de vous, il ne permette pas que votre âme demeure toujours si malade. Espérez qu'après vous avoir commandé de recourir à lui, il ne sera pas sourd à votre voix, qu'il aura compassion des maux qui vous feront frapper à la porte de sa miséricorde, qui sont ses plaies, et qu'enfin il vous y fera entrer pour vous guérir. Mais je vous avertis qu'il faut du temps pour cela, car encore que saint Paul ait dit que ceux qui sont à Jésus, Christ ont crucifié leur chair et ses désirs déréglés, Galates 5, 24, ceux qui ne se contentant pas de ne commettre plus de péchés mortels, désirent de remporter une entière victoire sur eux-mêmes, trouvent qu'après avoir surmonté ces redoutables ennemis qui régnaient dans leur cœur, qui est cette heureuse terre promise de Dieu à son peuple et où il veut être adoré, il faut beaucoup d'années pour venir à bout de ce que dit ce grand apôtre en si peu de mots. Mais Dieu, en les guérissant de temps en temps de quelques-uns, les soutient par l'espérance de recouvrer une parfaite guérison, de même que Josué, après avoir vaincu cinq rois, commanda aux siens de leur marcher sur la tête, et leur dit qu'au lieu de craindre, ils devraient redoubler leur courage, parce que, comme Dieu par son assistance leur avait fait surmonter ses princes, il les ferait triompher aussi de tous leurs autres ennemis, Josué, 10. Résolvez-vous donc, ma fille, de mourir ou de vaincre, puisque si vous ne demeurez maîtresse de vos passions, vous ne sauriez arriver jusqu'à cette familière communication avec Dieu. Parce qu'il n'est pas juste de jouir de cet agréable sommeil dans lequel on dort avec tant de douceur entre les bras de sa miséricorde, si l'on a auparavant combattu contre soi-même et remporté la victoire, ni d'être placé dans le saint temple du pacifique Salomon, sans avoir auparavant, comme ces pierres dont il avait été bâti, souffert plusieurs coups de marteau, tels qui sont ceux de la mortification de ses passions et de l'assujettissement de sa volonté. À cause que la fumée qui s'élève de ses passions obscurcit tellement l'âme qu'il ne lui laisse pas assez de lumière pour voir dans toute son étendue la beauté de ce roi éternel qu'elle adore, ni la pureté nécessaire pour s'unir à lui. Chapitre 78. Que la plus excellente de toutes les méditations est la passion de Jésus-Christ, et l'amour avec lequel il s'est offert pour nous à son Père. Après être entré dans la première partie du temple du véritable Salomon, qui est de considérer Jésus-Christ extérieurement, et après y avoir sacrifié, par l'impression que sa divine parole fait dans nos cœurs, nos passions déraisonnables, comme on sacrifiait à Dieu des animaux irraisonnables dans cette partie du temple que l'on nommait sainte, il faut passer plus avant pour nous rendre dignes d'entrer dans la partie intérieure de ce temple nommé le Saint des Saints, qui est beaucoup plus excellente que la première. Que si vous me demandez, ma chère fille, ce que c'est que cette partie du temple si admirable, je réponds que c'est le cœur de Jésus-Christ, qui n'est pas seulement saint, mais la sainteté même, car, comme ne s'étant pas contenté de souffrir extérieurement, il nous a aimés du fond de son cœur, il ne doit pas aussi vous suffire de le considérer et de l'imiter en ce qu'il a souffert extérieurement. Vous devez aussi entrer dans son cœur pour considérer et pour imiter ce qui s'y passe. Pour vous rendre cela plus facile, il a permis qu'après sa mort un coup de lancer perçait son côté pour nous ouvrir une porte par où nous puissions entrer dans ce cœur et y voir et admirer les merveilles dont il est plein. Comment pourrais-je les raconter toutes ? Puisque ceux-mêmes qui sont si heureux que de les voir et de les comprendre ne sauraient les exprimer, Saint Jean nous le représente en quelque sorte lorsqu'il dit dans son Apocalypse que le temple de Dieu s'ouvrit et que l'on y vit alors l'arche de l'Alliance, parce que c'est dans le cœur de Jésus-Christ que cette alliance a été faite, et qu'ainsi l'on peut dire que les tables de la loi y sont avec la manne tombée du ciel, et que cette réconciliation de Dieu et des hommes est ce précieux accomplissement de notre bonheur figuré par la couverture de l'ancienne arche qui était d'or. Mais tout cela d'une manière si admirable, qu'elle va beaucoup au-delà de tout ce que l'on en saurait penser. David en exprime quelque chose par ces paroles. Seigneur, mon Dieu, les merveilles que vous avez faites sont innombrables, et nul ne peut comprendre les desseins et les pensées que vous avez sur nous. Psaume 39, 7. Car tout ce que Jésus-Christ a fait en notre faveur est merveilleux, et ce qu'il a souffert l'est encore beaucoup davantage. Mais si l'on considère quels étaient ses sentiments pour nous dans le plus fort de ses souffrances, peut-on ne pas oublier tout le reste et s'empêcher de s'écrier, Seigneur, qui est semblable à vous? Lors, ma fille, que vous verrez en esprit qu'on le lie avec des cordes, qu'on lui donne des soufflets, qu'on le couronne d'épines, qu'on l'attache avec des clous sur une croix et qu'il y souffre la mort, priez-le de vous faire la grâce d'apprendre comment il se peut faire qu'étant tout puissant comme il est, il se laisse traiter de la sorte. Et Saint Jean vous répondra que c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a voulu laver nos péchés dans son sang. Méditez bien ces paroles, imprimez-les dans votre cœur, et pensez et repensez à l'excès d'un tel amour. Dites en vous-même, qui serait la personne qui voulut, sans aucun intérêt et purement pour l'amour d'un autre, souffrir ce que notre Seigneur a souffert pour nous? Quels pères en feraient autant pour leurs enfants, quels enfants pour leurs pères, quels maris pour leurs femmes, quelles femmes pour leurs maris? Quels frères pour leurs frères, et quels amis pour leurs amis, quoique la proximité et l'amitié fassent, Bien que rarement, que l'on soit disposé à beaucoup souffrir pour ses proches et pour ses amis, mais de vouloir bien souffrir et mourir pour des étrangers, seulement par un pur amour et sans que nul intérêt y oblige, c'est ce qui était sans exemple. Si un esclave souffrait volontairement pour son roi quelques-uns des tourments que notre Seigneur a souffert et même la mort, quelle louange ne lui donnerait-on point, et qui pourrait douter qu'il n'eût mérité qu'il lui pardonnât ses fautes qu'il aurait faites auparavant, et qu'il ne le récompensât même dans une autre vie, si cela était en sa puissance, mais si, au contraire, c'était un roi qui eût souffert 1000 tourments, 1000 outrages et même la mort pour un esclave qui, au lieu de lui avoir rendu aucun service, l'aurait offensé d'une manière digne d'être puni par 1000 cruelles morts. Cela paraîtrait-il croyable? Quel étonnement et quelle admiration n'en aurait-on point, et ne se trouverait-il pas même des personnes qui condamneraient cette action comme indigne de la majesté et de la sagesse d'un roi de donner une vie si précieuse pour sauver celle d'un misérable esclave qui aurait justement mérité la mort? Que, s'il se trouvait qu'outre cela ce roi fût si sage et si puissant, qu'il aurait pu sans rien souffrir et sans faire injustice à personne sauver la vie à cet esclave, et que néanmoins par un effet si prodigieux d'amour, il eût voulu s'exposer pour lui à des souffrances si excessives et si inouïes, parce qu'elles lui auraient été plus avantageuses, quels yeux auraient pu soutenir la lumière du feu si ardent d'un tel amour, et peut on avoir le sentiment que l'on doit d'une si merveilleuse bonté sans en être transporté d'étonnement? Que si l'entendre seulement dire faisait cet effet, quel serait celui qu'il devrait faire dans le cœur de cet esclave pour qui son roi aurait donné sa propre vie? Une si extrême bonté ne lui inspirerait-elle pas un tel amour pour un tel maître, qu'il ne pourrait s'en souvenir sans répandre des larmes, ni se lasser de publier ses louanges, ni cesser de faire tous ses efforts pour essayer de lui plaire? Avez-vous bien compris, ma chère fille, cette parabole dont il n'y a jamais eu d'exemple sur la terre que celui que Jésus-Christ en a donné, et qu'il a figuré dans le ciel? Car Saint Jean dit dans l'Apocalypse qu'il porte écrit sur sa cuisse le nom de roi des rois et de seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, parce que son humanité, que ce mot de cuisse marque, est élevée non seulement au-dessus de tous les rois qui sont dans le monde, mais aussi au-dessus de tous les esprits célestes. Considérez attentivement cette grandeur sans égale, et abaissez en même temps vos yeux vers l'extrême bassesse de cet esclave pour qui il lui a plu de souffrir, et vous verrez, comme dit saint Paul, que nous sommes lâches, pécheurs, traîtres à Dieu, et ses ennemis, Romains 5, qui sont toutes qualités civiles et si abjectes, qu'elles rendent l'homme la plus méprisable de toutes les créatures, parce que rien ne l'étant ni si haïssable que le péché et par conséquent le pécheur. Comparez, après, deux extrémités aussi éloignées que sont celles d'un si bon roi et de si méchants esclaves que nous sommes, considérez quel est l'amour que ce roi leur a porté, et que quand vous auriez les yeux d'un aigle, vous ne pourriez connaître cet amour dans toute son étendue, puisque si les séraphins, dont le nom signifie qu'ils brûlent d'amour, avaient une entière connaissance de ce qu'il a souffert sur le calvaire, ils avoueraient que le leur n'est que tiédeur, car comme l'âme de Jésus-Christ surpasse en grandeur et en gloire tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, parce qu'ayant été unie au Verbe de Dieu dans le moment qu'elle fut créée, elle fut remplie par le Saint-Esprit d'une telle plénitude de gloire et de grâce, que le nombre n'en saurait augmenter, non plus qu'elle en recevoir davantage, de sorte qu'on lui peut attribuer ces paroles du cantique. Ce grand roi m'a fait entrer dans son divin cellier, et boire de ce vin si délicieux, il a ordonné en moi la charité, cantique, 1, ou selon qu'il est porté dans un autre endroit, il a déployé sur moi l'étendard de son amour. Parce qu'aussitôt que l'âme de Jésus-Christ fut créée, et le vit clairement la divine essence, l'aima parfaitement et fut, comme le Saint-Étendard qui fait connaître qu'il n'y a point d'ange dans le ciel ni d'homme sur la terre qui ait jamais été pénétré d'un si grand amour, et qu'au lieu que dans les autres guerres ce sont les victorieux qui sont couronnés, ce sont au contraire les vaincus qui le sont dans la guerre de l'amour de Dieu. Ainsi la très sainte âme du Sauveur du monde est dite porter l'étendard de l'amour, pour montrer que tous ceux qui veulent aimer Dieu, comme ils méritent de l'être, n'ont qu'à l'imiter et à le suivre comme les soldats suivent leur chef et leur capitaine. Y a-t-il donc sujet de s'étonner que le feu de l'amour dont la très sainte âme de Jésus-Christ brûle, lance au dehors tant de flammes, qu'elle consume son sacré corps par de si horribles tourments que son amour lui fait souffrir? Un homme, dit l'Écriture, peut-il cacher le feu dans son sein sans que ses vêtements en soient consumés? Proverbe 26, 7. Ainsi, lorsque vous considérerez avec quelle cruauté on lie les bras Jésus-Christ, représentez-vous combien les liens de son amour le serrent encore plus étroitement. Ça a été cet amour qui ensuite de tant de souffrances lui a fait étendre les bras pour être attaché sur une croix, afin de montrer qu'il les a toujours ouverts pour nous recevoir. Et c'est aussi ce qui fait que son cœur brûle toujours du désir de procurer notre salut. Le grand prêtre, dans l'ancienne loi, portait les noms des 12 tribus d'Israël écrits sur ses épaules et sur son estomac. Mais Jésus-Christ, ce souverain pontife de la nouvelle loi, ne les porte pas seulement sur ses épaules et sur son estomac par les tourments qu'il a endurés. Il les porte aussi écrits dans son cœur, parce qu'il nous aime si véritablement, qu'au lieu que notre premier Père causa notre perte par une pomme, et que nous nous perdons nous-mêmes par des choses aussi méprisables qu'une pomme, et nous nous haïssons en effet par notre inclination au mal, il montre, au contraire, qu'il nous estime et nous aime tant, qu'il a bien voulu donner sa vie pour nous racheter. Chapitre 79. De l'ardent amour de Jésus-Christ pour Dieu et pour les hommes dans la vue de Dieu, et que cet amour a été la cause de ses souffrances extérieures et encore plus des intérieures. Si la corruption du cœur de l'homme est si grande, comme dit Jérémie 17, qu'il n'y a que Dieu qui la puisse connaître, parce que plus on la pénètre, et plus on la trouve horrible. Ainsi qu'il le fut montré en figure au prophète Ézéchiel, 8, à combien plus forte raison pouvons-nous dire que le cœur de Jésus, Christ est un abîme de perfection impénétrable à tout autre qu'à Dieu seul? Cet excès d'amour pour nous dont il est embrasé, et qui a paru dans ses incroyables souffrances extérieures, ne doit-il pas nous faire sortir hors de nous, même pour n'être qu'à lui? Mais s'il nous fait la grâce de nous donner assez de lumière pour pénétrer en quelque sorte dans la connaissance de ses souffrances intérieures dont les secrets sont ineffables, de quel étonnement ne seront nous point transportés en y voyant des effets si merveilleux de son amour? L'Évangile nous apprend que lorsqu'il rendit dans Bethsaïde Louis un sourd, il leva les yeux au ciel, et qu'après avoir jeté un profond soupir, il fit ce miracle, Marc 7. Ce soupir passa bien vite, mais il ne fut pas le seul qui sortit du fond de son cœur, puisque toute sa vie en fut une suite continuelle, car, dès le moment que sa très sainte âme eut animé son corps dans le sein de sa bienheureuse mère, il vit aussi clairement qu'il voit maintenant l'essence de Dieu à laquelle, à cause de son extrême élévation, on donne le nom de ciel, et conçut pour elle, en la voyant, un respect et un amour qui vont infiniment au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Mais, encore que l'effet de la vision béatifique soit de combler de félicitant le corps que l'âme de ceux qui en jouissent, néanmoins, afin que nous puissions être rachetés par les travaux inestimables de notre Seigneur, il suspendit sa joie et voulut que cette béatitude demeurât dans la partie supérieure de son âme, sans se répandre sur son corps, renonçant ainsi à cette joie qui lui était due pour accepter et souffrir les peines que nous avions méritées, que si sa sainte âme n'eût élevé les yeux de son entendement que vers le ciel de la divinité, sans regarder autre chose, elle n'aurait rien souffert, puisque Dieu est un si grand bien, que sa vue ne peut produire que de l'amour et de la joie. Mais, comme elle voyait aussi tous les péchés commis par les hommes contre Dieu, depuis le commencement du monde, et tous ceux qu'ils commettront jusqu'à la fin des siècles, son extrême douleur de voir cette suprême majesté tellement offensée ne fut pas moindre que son désir qu'elle fût au contraire servie et honorée. Ainsi la grandeur de ce désir étant inconcevable, on ne saurait exprimer jusqu'à quel excès allait sa douleur, tellement que, comme le Saint-Esprit qu'il avait reçu dans toute sa plénitude, et dont le feu est la figure, l'embrasait d'un très grand amour de Dieu, ce même Saint-Esprit, figuré aussi par la colombe, le faisait gémir amèrement à cause des offenses commises contre Dieu, son Père, qu'il aimait d'une manière qui ne se peut exprimer. Pour vous faire mieux comprendre, ma fille, que cette douleur ne lui perçait pas seulement le cœur, mais qu'il n'y avait point de parti sur lui qui n'en fût très vivement pénétré, souvenez-vous des cris qu'il poussa vers le ciel et des larmes qu'il répandit lorsqu'il ressuscita le Lazare, et quelles furent ses plaintes des malheurs qui devaient arriver à Jérusalem, sur quoi saint Ambroise dit ces belles paroles, qu'il n'y a pas sujet de s'étonner que celui qui a pleuré la mort d'un seul homme ait eu tant de compassion de celle de tous les hommes. Ainsi les offenses commises contre Dieu et la perte de tous les hommes par le péché étaient communs, couteau tranchant des deux côtés, qui lui traversait le cœur par son incroyable amour pour Dieu et par sa pitié pour les hommes, désirant d'un côté la réparation due à l'honneur de son Père, et de l'autre le salut des hommes, quoi qu'il lui en dût coûter la vie. Ô Jésus, mon Sauveur, un chrétien peut-il, sans avoir le cœur brisé de douleur et tombé en défaillance, considérez vos tourments tant intérieurs qu'extérieurs. Trois clous vous ont percé les pieds et les mains avec d'horribles douleurs. Plus de 70 épines ont ensanglanté votre tête. Plus de 5000 coups de fouet ont déchiré votre chair sacrée. Les outrages que vous avez reçus sont innombrables. Et les autres tourments que vous avez endurés dans votre passion et qui surpassent tout ce que l'on en peut penser ont fait si longtemps auparavant dire à Jérémie par un esprit de prophétie, « Ô vous tous, qui êtes témoins de ce que j'endure, voyez s'il y a jamais eu une douleur égale à la mienne, livre d'Étrennes, 1. Néanmoins, mon Dieu, parce que votre amour n'a point de borne, vous ne vous êtes pas contenté de tant de souffrances extérieures, Mais vous avez voulu en éprouver d'intérieur qui les surpasse encore de beaucoup selon ces paroles d'Isaïe. Nous nous sommes tous égarés et perdus dans le chemin que nous avions pris, mais le Seigneur a chargé son Christ de tous nos péchés. Isaïe 53, 6. Vous vous êtes soumis, mon Sauveur, à cet arrêt si rigoureux de la justice de votre Père. Vous vous êtes chargé de tous les péchés du monde, et vous y avez satisfait par des tourments si excessifs, qu'il faut les avoir souffert pour pouvoir en savoir le nombre. Ainsi c'est avec grande raison que ce même prophète vous a nommé l'homme de douleur, Isaïe 53, 3. Que si David a dit, « Je suis environné de maux innombrables, mes iniquités me sont venues accabler, et leur multitude m'en ôte le discernement, elles sont en plus grand nombre que les cheveux de ma tête, et mon cœur tombe en défaillance. » Psaume 39, 16. Ce saint roi prie Dieu aussi ailleurs de lui pardonner les péchés qu'il ne connaît pas. Or, si ceux d'un seul homme sont en si grand nombre, que diront nous de ceux de tous les hommes qui ont jamais été et qui seront jamais depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, et qui peut concevoir, ô agneau de Dieu, ce que vous avez enduré lorsque vous en avez seul porté tout le poids, et payé par vos travaux et par votre mort la peine qu'ils avaient méritée. C'est ce qui a fait dire encore à David. Un grand nombre de jeunes taureaux m'ont environné, des taureaux gras et forts m'ont attaqué de toutes parts, ils ont ouvert leur gueule pour me dévorer comme un lion ravissant et rugissant. Psaume 21, 12. Car qu'y a-t-il de plus horrible que cet épouvantable nombre de péchés signifiés par ces taureaux, et que les châtiments qu'ils ont mérités? Ce qui a fait aussi dire à ce grand roi, « Ma force s'est écoulée comme l'eau, tous mes os se sont séparés, mon cœur s'est fondu comme de la cire, ma vigueur s'est desséchée comme de l'argile cuite au feu, ma langue s'est attachée à mon palais, et vous m'avez réduit à la poussière et à la mort. » Psaume 21, 14. Et comment donc, mon Sauveur, le nombre de vos douleurs aurait-il pu croître puisqu'elles ont égalé celui de tous les péchés du monde qui sont innombrables? Chapitre 80. De la tendresse de l'amour de Jésus-Christ pour les hommes, que nos péchés ont été la cause de ses peines intérieures et la croix qu'il a portée dans son cœur durant toute sa vie. Vous pouvez, ma chère fille, jugez par ce que j'ai dit de l'extrême douleur de Jésus-Christ, quelle est l'effroyable grandeur de nos péchés puisqu'ils en ont été la cause, mais, si nous pénétrons jusque dans le fond de son cœur, nous trouverons qu'il n'a pas seulement souffert pour les péchés que nous avons commis, mais aussi pour ceux que nous n'avons pas commis et que nous aurions pu commettre, puisqu'ainsi qu'il nous a, par ses douleurs obtenu le pardon des uns, il nous a préservé des autres, ce qui fait que nous lui sommes également obligés, car nous étions tous enfants de colère, déchus de la grâce de Dieu bannis du ciel et portés à toutes sortes de mal, et il nous a délivrés de tous ces maux en souffrant des tourments qui leur sont proportionnés et qui les surpassent même par l'amour incroyable avec lequel il a souffert pour accomplir ce grand ouvrage de notre rédemption. Que ce nom de Père du siècle futur qu'Isaïe vous a donné, mon Sauveur, vous coûte donc cher, puisque, comme il n'y a point d'homme qui, selon la génération charnelle, que l'on peut nommer le siècle passé, ne vienne d'Adam, il n'y en a point qui, selon l'être de la grâce ne vienne de vous. Mais, au lieu qu'Adam fût un si mauvais père qu'en se donnant la mort à lui-même par son péché, il la donna à tous ses enfants, vous avez, Seigneur, Était un si bon père, que vous avez donné la vie au vôtre par vos souffrances et par vos gémissements qui ont été comme les rugissements d'une lionne. Ce premier auteur de la race des hommes fit passer dans ses descendants le venin du serpent qui lui avait fait perdre son innocence, les engendrant tout pécheurs, et les rendit ainsi une race de serpents dont vous avez senti les morsures non seulement durant quelques heures qu'a duré votre passion, mais durant les 33 années que vous avez passées sur la terre. Et vous, Seigneur, au contraire, ne vous êtes pas contenté du nom de Père, mais, pour faire connaître encore davantage votre tendresse pour nous, vous avez aussi pris celui de Mère, lorsque, comme David vous a comparé à une lionne, vous avez dit, de votre propre bouche, en adressant votre parole à Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu, Matthieu, 23, 37. Ce qui est une comparaison, mon Sauveur, qui montre quelle est votre affection, puisque la poule en attend pour ses petits, mais avec cette différence que la vôtre pour nous surpasse infiniment celle de toutes les mères. Selon ces paroles que vous avez dites par Isaïe, une mère peut-elle oublier ses enfants à qui elle a donné la vie? Mais quand elle les oublierait, je ne les oublierai pas, car je les porte toujours dans mes mains et les ai toujours devant mes yeux, Isaïe 44. Qui peut donc, Seigneur, pénétrer jusque dans les replis de votre cœur pour y voir les secrets ineffables de votre amour et les douleurs que vous avez endurées? Vous ne vous conteniez pas d'avoir pour nous un amour de Père, dont la force vous donne le pouvoir de supporter tant de travaux, vous avez aussi un amour de mère dont la tendresse vous fait prendre des soins incroyables de nous, et avez même un amour plus que de mère, puisque l'on n'a jamais vu qu'aucune mère, pour se rendre toujours présente la mémoire de ses enfants par des caractères d'un amour inconcevable, et pris pour plume des clous, pour papier ses propres mains, et pour encre le sang qui en coule, après avoir été si cruellement percé, afin de faire voir par tant de douleurs quel est l'excès de son amour. Mais que dirais-je, mon Dieu, de ce que vous avez incomparablement encore plus souffert en gémissant pour les péchés de tous les hommes? On le peut comparer aux douleurs d'un enfantement qui n'a pas seulement duré quelques heures ou quelques jours, mais durant les 33 ans de votre vie et jusqu'à ce que vous soyez mort sur la croix, comme Rachel mourut en enfantant Benjamin, ainsi de même que pour cette raison, on le nomma un enfant de douleur, ne peut-on pas avec beaucoup plus de sujet vous donner ce nom? Puisque les douleurs que cette sainte femme souffrit pour mettre cet enfant au monde n'étaient rien en comparaison de celles que nous vous avons causées, lorsqu'étant dans votre sein comme des serpenteaux qui vous déchiraient les entrailles, vous nous avez enfantés sur la croix, mais vous avez changé notre fiel et notre venin en douceur et en simplicité. Vous nous avez rendus comme des agneaux en nous donnant la vie de la grâce. Votre douleur de nos péchés a été plus grande que le plaisir que nous avons eu à les commettre. Votre humilité a surpassé nos orgueils et notre hardiesse a offensé Dieu. Et vous avez plus ressenti que nous, même l'état déplorable où nous étions. Que si un en a vu des hommes que le repentir de leur faute a touché de telle sorte qu'ils en sont morts de regret, et d'autres qui n'ont aussi pu apprendre sans mourir la mort de ceux qu'ils aimaient, quel a été votre amour pour Dieu et pour les hommes, puisque celui qui a coûté la vie à ces personnes n'en était qu'une étincelle, mais vous ne vous conteniez pas, mon Sauveur, De nous appeler les enfants de votre douleur, vous nous nommez aussi les enfants de votre main droite, comme Jacob donna ce nom à Benjamin, Genèse 25, 18, parce que vous avez fait voir en nous votre toute puissance en nous retirant de l'abîme de nos péchés pour nous rétablir dès ce monde dans la grâce, et nous mettre un jour dans la gloire à la droite de votre Père, pour y jouir éternellement du fruit de vos travaux et de vos douleurs. Chapitre 81. De quelques autres considérations très utiles qui se peuvent tirer de la passion de notre Seigneur. Si vous avez bien compris, ma chère fille, ce que je vous ai dit de la passion de notre Seigneur, vous voyez de quelle sorte vous devez considérer les tourments qu'il a soufferts, et la patience, l'humilité et les autres vertus dont il nous a donné l'exemple, et particulièrement son amour et sa compassion pour nous qui ont été la cause de tout le reste, ce qui vous oblige d'en avoir pour lui et de l'imiter. Mais ce ne sont pas les seules pensées et les seuls sentiments que sa sacrée passion vous doit donner, elle peut vous faire connaître, autant que nous en sommes capables dans l'exil de cette vie, le bonheur inconcevable de la félicite des bienheureux, le malheur épouvantable des réprouvés, le prix inestimable de la grâce et l'extrême horreur du péché. Puisqu'un Dieu a tant souffert pour nous délivrer de tant de maux et nous acquérir tant de biens, c'est un livre dans lequel vous pouvez lire quelle est l'infinie bonté de notre Sauveur, la tendresse incomparable de son amour, et la rigueur merveilleuse de la justice de Dieu, qui punit de telle sorte pour les péchés d'autrui celui-là même qui en est le juge. J'avais dessein de m'étendre davantage sur ce sujet, et de passer de la considération de la très sainte âme de Jésus-Christ à celle de sa divinité, mais mon peu de santé ne me le permettant pas, je me contenterai de vous exhorter à continuer dans la méditation de sa sacrée passion, car j'y ai vu des personnes qui, après s'y être exercé durant des années entières sans en avoir eu beaucoup de consolation, en ont en reçu dans la suite, qu'elles ont reconnu que notre Seigneur n'avait différé de la leur donner que pour les récompenser avec usure de leur persévérance. Je dois vous avertir aussi qu'il y a d'autres sujets de méditation fort utiles pour s'avancer dans le chemin de la piété, tels que sont ceux de la considération des créatures et des bienfaits de Dieu, en se recueillant en soi, même pour ne s'appliquer qu'à l'aimer, ce qui doit être la fin de toutes nos pensées comme c'est la fin de toute la loi. Vous devez savoir aussi que comme il y a diverses manières de s'exercer dans l'oraison et que les inclinations des hommes sont différentes, c'est une grande grâce que Dieu fait à une personne de la porter à celle qui lui est la plus propre et la plus avantageuse, et qu'ainsi nous ne saurions trop le prier de nous l'accorder. Je dois de même vous dire qu'il y a des personnes tellement occupées des choses extérieures, qu'elles ne peuvent s'appliquer aux intérieures, ou au moins très peu, ce qui les attriste et les décourage. Mais si elles ne sauraient, sans manquer à leur devoir, se dégager de ces occupations extérieures, elles doivent se contenter de l'état où il plaît à Dieu de les mettre, s'acquitter avec soin et avec joie de ce qu'elles sont obligées de faire, et tâcher autant qu'elles le pourront de se mettre en la présence de Dieu pour l'amour duquel elles travaillent. Comme il y en a d'autres qui sont par leur naturel si inquiets et si indévots que quelques peines qu'ils prennent pour s'occuper intérieurement, et quelque temps qu'ils y emploient, c'est toujours en vain, il est besoin de les avertir, que puisque notre Seigneur ne leur accorde pas le don d'une longue et intérieure oraison, ils doivent se contenter de réciter vocalement quelques endroits de la Passion, de les considérer quoique brièvement, de lire des livres qui en traitent, et d'avoir devant les yeux quelque image dévote qu'ils regardent, car on arrive souvent par ces moyens à l'oraison intérieure, mais si Dieu veut qu'ils demeurent en l'état où ils sont, ils doivent marcher avec action de grâce dans le chemin où il lui plaît de les mettre. Ceux que leurs scrupules rendent tristes, doivent savoir que notre Seigneur n'a pas agréable, qu'ils pensent sans cesse à leurs péchés et entrent ainsi dans une mélancolie et un découragement qui les réduit en l'état où était le Lazare dans le tombeau. Mais il veut que leur pénitence et leur mortification qui ont quelque ressemblance à ce qu'il a souffert dans sa passion les consolent par la créance d'avoir reçu de lui le pardon dont il avait besoin pour oser se promettre d'avoir part à sa résurrection, afin qu'après avoir baisé et arrosé de leurs larmes ses pieds sacrés, il se lève pour baiser ses divines mains, le remercier des grâces qu'il leur a faites et marcher à l'avenir entre la crainte et l'espérance, ce qui est une voie assurée. Le dernier avis que je vous donne est qu'encore que quelques-uns par ignorance ou par orgueil s'égarent dans le chemin de l'oraison, gardez-vous bien de l'abandonner, puisqu'au lieu d'imiter les fautes des autres, elles nous doivent rendre plus soigneux à éviter de tomber, et que l'exemple de Jésus-Christ et des saints qui ont tout marché par ce chemin, nous oblige à le suivre sans nous décourager en voyant que quelques-uns l'ont quitté, puisqu'il n'y a rien de si bon dont on ne puisse faire un mauvais usage. Chapitre 82. Que notre Seigneur nous écoute et nous regarde favorablement lorsque nous lui découvrons nos plaies avec la douleur qu'elles doivent nous donner, et avec quelle bonté et promptitude il les guérit et répand sur nous ses grâces. La bonté de Dieu est si grande, qu'après nous avoir donné des lois faciles à observer, il a voulu les rendre encore plus faciles par son exemple en les observant lui-même. Nous avons vu par le texte que j'ai pris pour sujet de ce traité que l'époux dit à l'épouse dans ce cantique, « Écoutez, ma fille, ouvrez les yeux, et prêtez l'oreille. Rien n'est plus juste ni plus facile, car qui ne voudrait pas écouter un tel maître, qui ne voudrait pas ouvrir les yeux à une lumière si agréable, et qui ne voudrait pas prêter l'oreille à des conseils d'une sagesse infinie, mais pour nous rendre cela encore plus facile, il a voulu accomplir lui-même ponctuellement la loi qu'il nous a imposée, il nous écoute, il nous voit, et il prête l'oreille à nos soupirs, afin que nous n'avons pas sujet de dire, personne ne nous regarde, ne nous écoute, et ne daigne considérer quelles sont nos peines. Qui doute que ce ne nous fût une grande consolation dans nos maux de trouver des personnes qui voulussent bien quitter leurs occupations pour les considérer, sans jamais dire, ils nous font mal au cœur, et nous ne pouvons plus les regarder, et quand même ces personnes auraient le cœur si dur que de n'en être point touchées, ne serions-nous pas bien est-ce qu'ils nous en entendissent toujours parler ? Et qu'ils les visent toujours, parce que nous aurions sujet d'espérer que comme l'eau cave enfin la pierre sur laquelle elle ne tombe que goutte à goutte, leurs oreilles et leurs yeux feraient peu à peu le même effet dans leur cœur en l'attendrissant pour le rendre sensible à nos souffrances. Mais quand même nous saurions que ces personnes ne pourraient y remédier, la compassion qu'ils en auraient ne laisserait pas de nous consoler. Que si donc nous leur saurions beaucoup de gré, quel est celui que nous devons savoir à notre Seigneur, et quelle joie ne nous doit ce point être, d'être assuré qu'il a toujours les yeux ouverts et les oreilles attentives pour nous voir et nous écouter, que sa miséricorde est extrême, et que son pouvoir n'a point de borne. Béni soyez-vous à jamais, mon Sauveur, De ce que vous n'êtes ni sourd à nos plaintes pour ne pas les entendre, ni aveugle pour ne les pas voir, ni impitoyable pour n'y vouloir pas remédier. Ce qui a fait dire à David, le Seigneur est clément et doux, il est lent à punir, il est plein de miséricorde et sa puissance est infinie. Psaume 102, 8. L'Écriture sainte nous apprend que le roi Ézéchia ayant par l'assistance de Dieu, remporté une signalée victoire et ne lui en ayant pas rendu les actions de grâce qu'il devait, il lui envoya une si grande maladie qu'il n'en pouvait guérir sans miracle, et, pour lui en ôter toute espérance, il lui manda par le prophète Isaïe de donner ordre aux affaires de sa maison, parce que sa mort était assurée. 4. Roi 20. Ce prince, dans un tel effroi, tourna la tête vers la muraille, fondit en pleurs, pria Dieu dans l'amertume de son cœur, de lui faire miséricorde, et avoua que son ingratitude méritait la mort à laquelle il l'avait condamné. En ce terrible et si déplorable état, il ne voyait point de supérieur, à qui il pût appeler de cet arrêt. Quand il y en aurait eu un, il n'aurait point de raison à alléguer pour le faire révoquer. Il se voyait n'être qu'à la moitié de sa vie, et finir en lui la race royale de David, parce qu'il n'avait point d'enfant. Tous ces péchés qui donnent tant d'épouvante en cette dernière heure, se présentaient devant lui, et ainsi, de quelque côté qu'il se tournât, il ne trouvait que des sujets d'augmenter le trouble de son esprit. Mais au milieu de tant de maux, ce bon roi ne demeura pas longtemps sans y trouver du remède. Il s'adressa pour guérir sa plaie à celui qui la lui avait faite. Il chercha sa sûreté dans la protection de celui qui l'avait si fort épouvanté. Il eut recours à celui dont son orgueil l'avait éloigné. Il mit son espérance dans son repentir. Il prit son juge pour son avocat. Il appela de ce juge courroucé à ce même juge plein de clémence, il s'accusa au lieu de s'excuser, et n'employa pour toute défense, que ses larmes et ses soupirs. Ses armes se trouvèrent si fortes devant le trône de la miséricorde de Dieu, qu'avant que le prophète qui venait de prononcer à ce prince l'arrêt de sa mort, fût sorti de sa chambre, Dieu lui dit, « Retourne et dis à ce roi de mon peuple, j'ai écouté ta prière et vis, tes larmes, je te rends la santé, je prolongerai ta vie de 15 années, et te délivrerai et cette ville de la puissance de tes ennemis. » Qu'est-ce que cela, Seigneur? Remettez-vous donc si promptement votre épée dans le fourreau, votre colère se change-t-elle sitôt en miséricorde? Un peu de larmes répandues non pas dans le temple, mais dans une chambre et par des yeux qui, au lieu de regarder le ciel, n'étaient tournés que contre un mur, font-ils ainsi révoquer en un moment l'arrêt que vous aviez fait prononcer à un si grand coupable, sans observer aucune de toutes les formalités de la justice? Il paraît bien, mon Dieu, que votre amour pour nous passe par-dessus tout, pour ne penser qu'à nous combler de vos grâces. Vous vous contentez de nous dire, j'ai entendu vos prières, et j'ai vu couler vos larmes. Vous ne pouvez trop à votre gré vous hâter de nous pardonner, parce que vous prenez plus de plaisir à nous faire grâce que nous n'avons de désir de l'obtenir, et que votre joie de nous avoir conservé la vie est plus grande que n'est la nôtre, d'avoir évité la mort. Vous ne différez point à nous secourir, et la seule loi que vous nous imposez est, qu'après avoir violé vos lois, nous en ayons un repentir qui nous brise le cœur de douleur, une ferme résolution de vivre mieux à l'avenir, et de recourir à ce remède salutaire des sacrements que vous avez établis dans votre Église. En quelque temps que nous gémissions pour nos péchés, vous les oubliez et nous excitez à vous en demander pardon, comme ce bon roi de Juda à qui vous fîtes plus de faveurs qu'il ne vous en demandait, car vous ne prolongâtes pas seulement sa vie de 15 années et délivrâtes Jérusalem du siège qu'il avait réduit à l'extrémité, mais vous fîtes reculer le soleil de 10 degrés, pour marque que 3 jours après il irait au temple dans une pleine santé, et y ajouta aussi d'autres grâces. Ainsi il paraît bien, Seigneur, que vous ne permettez qu'il nous arrive des afflictions que pour les faire tourner à notre avantage, et faire connaître votre miséricorde dans notre misère, votre bonté dans le pardon de nos péchés et votre force dans le soutien de notre faiblesse. Pécheur, qui que vous soyez, encore que vous ayez sujet de trembler en entendant cette terrible menace que Dieu a faite par un prophète, l'âme qui péchera mourra, Ézéchiel 18. Ne perdez pas pour cela courage, quelque grand que soit le nombre de vos péchés et quelque terrible que soit l'effroi que la colère de Dieu doit vous donner, mais confiez-vous en sa miséricorde qui au lieu de vouloir la mort du pécheur, veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 33. Humiliez-vous, pleurez, gémissez, et ayez recours au souverain des souverains que vous avez méprisé en l'offensant. C'est un si bon père et un si bon maître, qu'il ne se contentera pas de vous pardonner. Il vous fera même de plus grandes grâces qu'auparavant, comme il fit à ce roi de son peuple, à qui il rendit non seulement la santé du corps mais celle de l'âme, et dites-lui, ainsi que ce prince, pour le remercier de tant de faveurs, vous avez, Seigneur, délivré mon âme de la mort et oublié mes péchés, Isaïe 38. Chapitre 83. Que les menaces que Dieu nous fait sont ou absolues ou conditionnelles, et de quelle sorte nous les devons recevoir. Ne trouvez pas étrange, ma chère fille, que ces paroles, vous mourrez, que Dieu fit dire au roi Ézéchia, par le prophète Isaïe, ne furent pas suivies de l'effet. Car vous devez savoir qu'il y a des choses qu'il a résolues en son conseil éternel, avec une volonté déterminée, et cela ne manque jamais d'arriver, comme ce qu'il fit dire au roi Saul, qu'il l'avait rejeté et choisi un autre pour mettre en sa place comme aussi ce qu'il fit dire au grand sacrificateur Élie, touchant ses enfants, et ce qu'il fit dire à David, que le fils qu'il avait eu de son adultère mourait, sans que ni les instants de prière, ni les jeûnes, ni les autres pénitences que fit ce grand roi, pour tâcher d'obtenir la conservation de la vie de cet enfant, puissent jamais la fléchir. Mais il arrive, en d'autres rencontres, que les menaces que Dieu fait ne sont que conditionnelles, et en cas que l'on ne se convertisse point, ce fut ainsi qu'il fit dire par Jonas, aux habitants de Ninive, qu'il détruirait leur ville dans 40 jours, et qu'ensuite de leur pénitence, il révoqua cet arrêt, parce qu'il n'avait résolu de les châtier, selon que leur péché le méritait, qu'en cas qu'ils ne s'en repentissent point. Ainsi, encore qu'il paraisse de la contradiction entre dire qu'une ville sera détruite et qu'elle ne le soit pas, il n'y a point eu en cela de changement dans la volonté de Dieu, puisqu'il n'avait pas résolu de la détruire, avec une volonté déterminée, ce qui a fait dire à saint Augustin, Dieu changea l'arrêt qu'il avait donné, mais il ne changea pas de résolution. Parce que sa volonté n'était de détruire cette ville qu'en cas qu'elle ne fît pas la pénitence à laquelle il la voulait porter par cette menace, Dieu lui-même a dit, par la bouche de Jérémie, « Je suis prêt à prononcer un arrêt contre ses nations et ses royaumes, et à les détruire, mais s'ils se repentent de leurs péchés, je me repentirai aussi d'avoir voulu les détruire. Je les rendrai plus puissants que jamais, et si, après cela, ils me désobéissent et font mal devant mes yeux, je me repentirai aussi de les avoir tant favorisés. Jérémie 18, 7. Ce qui montre que puisque nous ne savons pas si les menaces que Dieu nous fait sont déterminées ou conditionnelles, elles ne doivent point nous porter au désespoir, mais nous faire implorer sans cesse sa miséricorde, pour le prier de révoquer son arrêt, comme il révoqua celui qu'il avait donné contre le roi Ézéchias et les Ninivites, car ils obtinrent par ce moyen ce qu'ils demandaient. Et encore que David ne l'obtint pas, sa prière ne laissa pas d'être très louable dans son doute de la volonté absolue de Dieu. On peut dire de même que lorsqu'il nous promet de nous faire quelque grâce, nous ne devons pas négliger de le servir, sous prétexte qu'il ne trompe jamais personne, puisqu'il a dit aussi que si nous cessons de faire ce qu'il commande, il se repentira de nous avoir voulu faire du bien. Ce n'est pas que Dieu soit capable de repentir, étant certain qu'il ne peut y avoir en lui aucun changement. Mais cela veut dire que de même qu'une personne qui se repente de ce qu'elle a fait change de dessein, Dieu révoque la sentence qu'il a prononcée contre quelqu'un, lorsque cette personne, avant que d'éprouver ce châtiment, fait pénitence de sa faute, et qu'au contraire, lorsqu'elle s'éloigne de lui, il ne lui fait pas le bien qu'il lui avait promis de lui faire. Chapitre 84. Ce que nous sommes par nous-mêmes et ce que nous sommes par la grâce de Jésus-Christ. Pour revenir à mon sujet, vous voyez clairement, ma chère fille, par ce que je vous ai dit, que Dieu lui-même fait ce qu'il commande par ses paroles, « Écoutez, ma fille, et ouvrez les yeux, puisqu'il écouta la prière, et considéra les larmes du roi Ézéchias, qu'il le consola, et qu'il en a consolé tant d'autres, selon ce que dit David, les yeux du Seigneur sont arrêtés sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il délivrera leurs âmes de la mort, et il les nourrira dans le temps de la famine. » Psaume 33, 15. Je ne doute point que ces paroles ne vous soient fort agréables, mais ne vous donneront-elles pas en même temps de la crainte, lorsque vous considérerez que c'est des justes dont il parle, et que vous êtes une pécheresse? En quoi vous direz la vérité n'y ayant personne qui soit exempt de péché, car, s'il y en avait, saurait dû être les apôtres, par l'avantage qu'ils avaient d'être en la compagnie de Jésus-Christ, ce qui les a rendus plus saints que nuls autres, excepté sa bienheureuse mère, qui ne surpasse pas seulement tous les hommes en sainteté, mais aussi tous les anges. Néanmoins, quoique saint Paul ait dit, en parlant d'eux et de lui-même, qu'ils avaient reçu les prémices du Saint-Esprit, c'est-à-dire une plus grande grâce et de plus grands dons que nuls autres, notre Seigneur n'a pas laissé de les obliger à dire l'oraison qu'il leur a en renseignée, dans laquelle sont ces mots. Pardonnez-nous nos offenses. Or, comme il n'y a point de jour où nous ne soyons obligés de faire cette prière, il n'y en a point aussi où nous ne commettions des fautes, ce qui a fait dire à saint Jean, « Si nous disons que nous n'avons point péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. » 1 Jean 1, 10. Que si vous me dites, puisque généralement tous les hommes, excepté un Dieu fait homme et sa sainte mère, commet des péchés qui les obligent de dire à Dieu, « Pardonnez-nous nos offenses, pourquoi a-t-on dit qu'il arrête ses yeux sur les justes ? et que ses oreilles sont attentives à leurs prières, je réponds que les paroles de Dieu sont toujours suivies des effets, comme on l'a vu en la personne du roi Ézéchias et d'infinis autres qu'il a regardés d'un œil favorable, et exaucé leurs prières. Mais vous devez savoir que c'est être juste, que de ne commettre point de péché mortel, puisqu'on ne laisse pas d'être en grâce et ami de Dieu, encore que l'on en commette de véniels, qui font que l'on ne saurait dire avec vérité que l'on soit sans péché. Or, pour vous faire connaître que la justice de l'homme est une grâce de Dieu, que Jésus-Christ a acquise par ses mérites à ceux qui se préparent humblement à la recevoir, et que vous lui en rendiez les remerciements qui lui sont dus, sachez qu'il y a deux sortes de biens dans les justes, les uns qu'ils ont reçus de la nature, et les autres qu'ils ne tiennent que de la grâce, quoique Pélage n'en puisse demeurer d'accord, mais ose soutenir que l'homme est juste par les bonnes œuvres qu'il a fait par sa propre nature, sans avoir besoin de la grâce et de la vertu que nous recevons de Dieu, ce qui est condamné par l'Église catholique. Elle nous oblige de croire que nous sommes tous nés pécheurs et coupables, à cause du péché originel, que nous commettons d'autres péchés par notre propre volonté, et que la véritable justice ne se rencontre pas dans les bonnes œuvres morales que nous faisons par la seule force de notre nature, ce qui a fait dire à saint Paul, que nul n'est juste, Romains 3, c'est-à-dire juste par soi-même, car, sans la grâce, nous sommes tous pécheurs. Il faut que la justice nous soit donnée, nous ne la tenons point de nous-mêmes, et ce privilège n'appartient qu'à Jésus-Christ. Lui seul est par lui-même le véritable juste, et c'est dans toutes ses œuvres et dans sa mort que la véritable justice se rencontre, que si elle se pouvait trouver aussi dans les bonnes œuvres qui nous sont propres, et que nous puissions être justifiés par elles, Jésus, Christ serait mort en vain, Galates 3, comme dit ce même apôtre, puisque nous aurions pu, sans sa mort, obtenir ce que nous n'avons acquis que par elle. Et ce saint dit aussi que ce divin sauveur s'est fait notre justice, à cause que ça a été par ses travaux et par sa mort que nous sommes justifiés, car c'est, comme je l'ai déjà dit, par la foi, par l'amour qui est la vie de la foi, et par les sacrements de l'Église, que Jésus, Christ nous communique ses mérites. Et ainsi, nous sommes incorporés en lui, il nous donne le Saint-Esprit, et nous devenons, par la grâce qu'il répand dans nos âmes, enfants adoptifs de Dieu, et lui sommes agréables. Nous recevons de même les vertus et les autres dons qui nous rendent capables d'agir conformément à un état aussi élevé qu'est celui de la grâce, et nous nous trouvons être véritablement justes aux yeux de Dieu, par une sorte de justice qui nous est propre, mais différente de celle par laquelle Jésus-Christ est juste, d'où il arrive qu'encore que les bonnes œuvres que nous faisions auparavant fussent fort imparfaites, parce qu'elles ne procédaient point d'une véritable justice, et ne nous la pouvaient faire mériter, à cause qu'elles ne venaient que de nous, celles que nous faisons, lorsque nous sommes en état de grâce, sont d'une telle valeur, qu'elles sont véritablement justes, et nous font mériter l'accroissement de la justice qui nous est propre, selon ce que dit l'Écriture, que celui qui est juste se justifie encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore, Apocalypse 22, 11, et nous rendent dignes d'obtenir le royaume du ciel, selon ces paroles de saint Paul, Dieu nous réserve la couronne de justice, 2 Timothée 4. C'est donc à Jésus-Christ que nous sommes redevables d'une faveur si merveilleuse. Et elle n'est pas seule, parce que Dieu ayant ordonné, de toute éternité, que nous ne puissions recevoir la grâce et la justice que par les mérites de ce divin Rédempteur, il veut aussi que nous ne la puissions conserver ni augmenter que par son assistance, et en demeurant unis à lui, comme les membres le sont à la tête, le sarment au cep qui le produit, et l'édifice au fondement qui en est la base, car encore que Jésus-Christ nous ayant acquis la grâce et la justice, nous ait donné droit de prétendre au royaume de Dieu, et d'obtenir, par l'oraison, ce que nous lui demandons, c'est à condition de bien user de ses faveurs, sans prétendre pouvoir agir de nous-mêmes, et marcher sans aide. Il faut donc mettre toute notre confiance et tout notre appui en ce divin Rédempteur que nous avons pour chef, afin de conserver la grâce qu'il nous a donnée, et en tirer une force et une vertu spirituelle, qui précède, accompagne et suive toutes nos bonnes œuvres, sans quoi le Concile de Trente déclare qu'elles ne peuvent être méritoires. Mais en cette manière les prières que les justes qui sont en cet état adressent à Dieu sont dignes d'être écoutées de lui. Salomon demanda à Dieu de vouloir entendre du ciel et exaucer les prières qui lui seraient faites dans le temple qu'il lui avait consacré. 2. Parallèle, 6. Et Jésus-Christ en tant qu'homme est le véritable et admirable temple de Dieu, dans lequel, comme dit saint Paul, toute la plénitude de la divinité habite corporellement, Colossiens 2, 9, ce qui montre que la divinité n'habite pas seulement en Jésus-Christ par la voie de la grâce, comme dans les saints et dans les anges, mais par une manière incomparablement plus excellente qui est l'union personnelle par laquelle son humanité est élevée à cette suprême dignité, d'être unie à la personne du Verbe. C'est donc là ce temple dont David dit, « Dieu a écouté ma voix de son temple », psaume 17, 8, et les prières de ceux qui, dans ce saint temple, ne sont animés que de l'Esprit de Jésus-Christ, ne s'appuient qui, sur ses mérites, et implorent son assistance comme étant leur chef, ne manquent jamais d'être exaucés de Dieu, comme il exauça David et a exaucé tous les saints, mais quelles que puissent être les prières qui se font hors de ce temple, elles ne sauraient passer que pour profanes et indignes d'être écoutées de Dieu, puisque, n'étant pas inspiré par Jésus-Christ, elle ne porte point le caractère de ce sceau royal qui montre qu'elles sont justes et méritent d'obtenir ce qu'elles demandent. Ainsi, pour faire que Jésus-Christ intercède pour nous dans le ciel, il faut que nous soyons ici, bas ses membres vivants, et que ce soit lui-même qui anime nos prières, car, encore que sa miséricorde soit si grande, qu'elle fait souvent que les prières de ses membres morts, qui sont ceux qui ayant la foi de l'Église ne sont pas dans la charité, sont écoutées, je n'entends parler ici que de celles qui, étant faites par son esprit, méritent d'obtenir ce qu'elles demandent. C'est pourquoi, comme l'Église, notre Sainte Mère, connaît le besoin que nous avons dans nos prières de l'assistance de Jésus-Christ, elle finit par ces mots presque toutes les oraisons qu'elle adresse à Dieu, « Accordez-nous, s'il vous plaît, ces grâces, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Elle l'a appris de son céleste époux, lorsqu'il a dit, « Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom, Jean. 16, 23. Que votre saint nom soit donc béni à jamais, mon Sauveur, puisqu'il est cause que nos prières sont écoutées, et que ne vous contentant pas d'être notre intercesseur pour nous faire obtenir grâce, et notre tête. Afin de nous donner le mouvement nécessaire pour prier par votre esprit, vous voulez bien aussi faire la fonction de souverain pontife dans le ciel, afin qu'après avoir représenté à votre Père ce que vous avez souffert pour nous dans votre sacrée humanité, vous obteniez de lui ce que nous lui demandons par l'invocation de votre nom. Ainsi, comme l'Évangile nous apprend que les cieux s'étant ouverts après que ce Sauveur du monde fut baptisé, et tous ceux qui y sont entrés depuis, n'y étant entrés que par la vertu de ce baptême, on peut dire de même que les entrailles de la miséricorde du Père éternel ne s'ouvrent pour entendre nos prières que par le moyen de Jésus-Christ, puisque c'est par lui, même que nous recevons les grâces et les faveurs qui font que nous sommes écoutés, car nul de nous n'étant juste par lui-même, comment sans cela Dieu nous écouterait-il? Mais cet amour inconcevable de Jésus-Christ pour nous, l'ayant porté à se charger de nos péchés, et d'y satisfaire par les travaux de sa vie mortelle et par les douleurs de sa mort, il continue de telle sorte dans le ciel d'avoir pour nous ce même amour que l'on ne saurait revêtir le moindre pauvre, ou donner à manger à aucun de ceux qui sont à lui, qu'il ne le répute comme fait à lui-même, parce qu'il est en nous, dit saint Augustin, Marc, 25, et lorsque Dieu exauce nos prières, ce même amour fait aussi dire à cet adorable Rédempteur qu'il a été exaucé à cause de cette union ineffable qui est entre lui et nous, et que l'Écriture marque par ses noms d'époux et d'épouses, de têtes et de membres d'un même corps. Il a tant aimé le sien, qui est l'Église, qu'au lieu que les hommes exposent leurs bras pour sauver leur tête en recevant les coups qu'on lui porte, lui qui est notre tête, s'est exposé au coup de la justice de Dieu, est mort sur une croix pour sauver la vie à son corps lequel nous sommes, et après qu'il nous a comme redonné une nouvelle vie par la pénitence et les sacrements, il nous défend, il nous soutient, il nous favorise comme étant tellement à lui, qu'il ne se contente pas de nous nommer ses serviteurs, ses amis, ses frères et ses enfants, mais pour nous témoigner encore davantage son amour, il nous honore de son nom par le moyen de cette union admirable de lui qui est notre tête, et de l'Église qui est son corps, et fait qu'ainsi nous ne sommes tous ensemble avec lui qu'un même Christ, Colossiens 1, 18, 1, Corinthiens 12, 12. Saint Paul explique par ses paroles ce mystère si plein de consolation, Dieu qui est riche en miséricorde, étant poussé par l'amour extrême dont il nous a aimés lorsque nous étions morts par nos péchés, nous a rendu la vie en Jésus-Christ, par la grâce duquel nous sommes sauvés, car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres, Éphésiens 2, 4, et il a dit, en écrivant aux Corinthiens, vous êtes en Jésus-Christ, ce qui marque l'union de Jésus-Christ avec son Église. De même que saint Jean rapporte que ce divin Sauveur a dit, « Celui qui est en moi, et moi en lui, comme le sarment est en la vigne, porte beaucoup de fruits, mais sans moi vous ne sauriez rien faire. » Jean 15, 5. Quelles assez grandes actions de grâce pouvons-nous donc, Seigneur, rendre à votre amour et à votre bonté de nous avoir par votre mort donné la vie, de nous la conserver dans cet exil de la terre, et de vouloir, si nous continuons à vous servir, nous élever dans le ciel pour y être à jamais avec vous selon ce que vous avez dit, mes serviteurs seront où je serai. Chapitre 85. De quelle sorte Jésus-Christ a crié et continue de crier pour nous vers son Père d'une voix si forte qu'il est toujours prêt pour l'amour de lui à nous écouter et à nous faire des grâces. Vous pouvez, ma chère fille, voir par ce que j'ai dit le besoin que nous avons tous de l'assistance de Jésus-Christ, afin que nos prières soient écoutées et bien reçues de Dieu son Père. Au lieu que lui n'a aucun besoin de nous, il est le seul dont la voix mérite par elle-même d'être entendue, parce que, comme dit saint Paul, il est le souverain pontife qui a le droit de s'approcher de Dieu. À quoi cet apôtre ajoute que, durant les jours de sa chair, ayant offert avec un grand cri et avec larmes, ses prières à celui qui le pouvait tirer de la mort, et ayant été écouté selon son humble respect pour son Père, il exauça sa prière en le ressuscitant et en lui donnant une vie immortelle, Hébreux 5, 5. Mais cet adorable Fils ne lui offrit pas seulement pour lui-même ses prières et ses larmes, il les lui offrit aussi pour nous, et à cause qu'elles partaient d'un cœur tout brûlant d'amour. L'apôtre leur donne le nom de crier de grands cris, mais quoiqu'il n'ait rien diminué de cet amour pour nous qui lui faisait jeter des cris, il y a autant de différence quant à l'extérieur, lorsqu'il offrit son très saint corps pour être crucifié pour l'amour de nous, et les prières qu'il fait maintenant en notre faveur, qu'il y en a entre les souffrances et les paroles. Souvenez-vous, ma fille, de ce que Dieu dit à Caïn, la voix du sang d'Abel, votre frère, s'élève de la terre jusqu'au ciel, pour me demander vengeance, Genèse 4, comme aussi de ce que dit saint Paul aux chrétiens, le sang que Jésus, Christ a répandu pour nous crie plus fortement que celui d'Abel, Hébreux 12, 24. Parce qu'au lieu que le sang d'Abel demandait à la justice de Dieu la vengeance de sa mort, le sang de Jésus, Christ demande à sa miséricorde le pardon de nos offenses. Le sang d'Abel irritait la colère de Dieu, et le sang de Jésus-Christ l'adoucit, le sang d'Abel demandait la punition du crime de Caïn, et le sang de Jésus, Christ demande le pardon de tous les hommes qui ont été et qui seront jamais, sans en excepter même ceux qui ont répandu ce sang, pourvu qu'ils se préparent à le recevoir dignement. Le sang d'Abel ne pouvait être utile à personne, parce qu'il était incapable de satisfaire pour les autres, et le sang de Jésus-Christ a lavé tous les péchés du monde, comme l'Église le chante, et à tirer des lieux profonds, selon l'expression du prophète Zacharie, ceux qui y étaient renfermés. Que la clameur du sang de Jésus-Christ est donc grande lorsqu'il demande miséricorde, puisqu'elle étouffe la voix qui demande la vengeance des péchés des hommes. Car, considérez, ma fille, que si un seul péché de Caïn faisait que le sang d'Abel poussait des cris pour en demander la vengeance, quel cri et quel bruit épouvantable doivent faire les péchés de tous les hommes ensemble pour demander vengeance à la justice de Dieu? Mais quelque grand que puissent être ces cris, ceux du sang de Jésus, Christ qui implore pour nous sa miséricorde le sont incomparablement davantage, et ainsi il les étouffe et empêche Dieu de les entendre, parce que la voix de Jésus-Christ, sa passion et sa mort qui lui demandent pardon pour nous, lui sont beaucoup plus agréables que tous les péchés du monde, qui lui demandent justice contre nous, ne lui sont désagréables. Que pensez-vous, ma fille, que signifie ce silence de Jésus-Christ qui, lorsqu'on l'accusait, le faisait paraître comme un sourd qui n'entendait point et un muet qui ne parlait point. Il signifie que, puisqu'il ne répondit point à cette voix des péchés qui l'accusaient, Quoiqu'il l'eût pu faire avec tant de justice, il est raisonnable que pour punir la hardiesse qu'eut cette voix de s'adresser à lui, elle n'ose accuser les autres hommes quoique coupables, et que ce même silence de Jésus-Christ rende la justice de Dieu sourde à la voix de ses péchés, puisque Jésus-Christ s'est offert à lui pour emporter la punition que nous méritions. Réjouissez-vous donc, servants de Jésus-Christ, et que tous les pécheurs se réjouissent de ce que, s'ils ont un véritable repentir d'avoir offensé Dieu, et veulent se servir des moyens d'y remédier qu'il a mis dans l'Église catholique, il sera sourd à la voix de leurs péchés et attentif à leurs prières pour les favoriser de ses grâces. Ainsi, quoique nous soyons coupables, cette voix de nos péchés ne doit point nous faire peur, puisque Jésus, Christ l'a étouffé par son silence quand il a été accusé. Isaïe l'avait prophétisé, en disant qu'il serait comme un agneau qui, lorsqu'on le tond, n'ouvre pas la bouche pour se plaindre, Isaïe, 35. Mais plus ce divin sauveur se taisait devant les hommes, et plus était forte la voix qu'il poussait en notre faveur jusqu'au trône de la justice de Dieu en y satisfaisant pour nous, et cette voix, comme nous l'apprenons de saint Paul, a été entendue à cause de son humble respect pour son Père, Hébreux, 5, 5, c'est-à-dire, que ce respect et cette profonde humilité qui l'ont fait s'abaisser jusqu'à la mort, et la mort de la croix, devant son Père éternel, en révérant en tant qu'homme cette suprême majesté, et en perdant la vie pour lui rendre l'honneur qui lui est dû et à sa justice, l'a fait écouter de ce divin Père dont il est écrit, il tourne ses regards vers l'oraison des humbles, et ne méprise point leurs prières, psaume 111, 18. Et quelle humilité a jamais égalé celle de Jésus-Christ, lui qui a dit de sa propre bouche, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », Matthieu, 11, 29. Et ainsi sa voix a été entendue selon que David l'avait prédit par ses paroles, « Le Seigneur n'a point détourné de moi son visage, il m'a exaucé lorsque j'ai imploré son assistance. » Psaume, 21, 26. Et Jésus-Christ lui-même a dit dans l'Évangile, « Je vous rends grâce, mon Père, de ce que vous m'exaucez toujours. » Jean, 11, 42. Puis donc, ma fille, que les prières que notre Sauveur fait pour nous sont toujours exaucées de son Père, et qu'il lui a coûté si cher pour obtenir la grâce qui, en nous justifiant, nous a mis en état d'être écoutés de Dieu. Travaillez de tout votre pouvoir pour obtenir cette grâce, si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, servez-vous-en pour offrir vos prières à Dieu, dans l'assurance que vous devez avoir qu'il les écoutera favorablement. Puisqu'ainsi que le prophète Samuel dit à Dieu, « Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute, 1, Rois, 3, Dieu vous dit, parlez, ma servante, car votre Seigneur vous écoute. Or, comme j'ai dit aussi qu'écouter Dieu n'est pas seulement entendre le son de ses paroles, mais c'est d'y ajouter foi, les recevoir avec plaisir et exécuter ce qu'elle nous ordonne. De même ce que Dieu écoute nos prières par le moyen de Jésus-Christ ne consiste pas seulement à nous les entendre prononcer, puisqu'il entend aussi en cette sorte les blasphèmes que l'on profère contre lui, mais c'est qu'il écoute nos prières avec dessein de les exaucer, et, pour vous faire voir qu'il les écoute en cette manière, voici ce qu'il a dit par la bouche d'Isaïe. J'ai écouté leurs prières avant qu'ils les eussent adressées, Isaïe, 65. Que béni soit donc à jamais, Seigneur, ce double silence que vous avez gardé dans votre passion, l'un extérieur, en ne répondant point à ce que l'on disait contre vous, et l'autre intérieur, en supportant avec une patience inconcevable, outre les fausses accusations, les tourments que l'on vous faisait souffrir, au lieu qu'au contraire, vous avez tant parlé à Dieu en notre faveur, qu'il a écouté nos prières avant que nous les lui eussions adressées. Mais y a-t-il sujet de s'en étonner, puisque vous nous avez tirés du néant en nous créant, que vous nous avez conservés dans le sein de nos mères, qu'après être revenus au monde et n'étant pas encore capables d'implorer votre assistance, vous nous avez procuré l'adoption d'enfants de Dieu et la grâce du Saint-Esprit par le baptême, que vous nous avez préservés des péchés dans lesquels nous ne sommes pas tombés, que vous nous avez relevés de nos chutes, que vous nous avez cherchés lorsque nous ne vous cherchions pas, et, ce qui surpasse tout le reste, que vous avez souffert la mort pour l'amour de nous et vous prépariez à nous recevoir dans le ciel avant même que nous fussions nés. Y a-t-il donc, mon Rédempteur, sujet de s'étonner qu'ayant pris tant de soin de nous avant que nous eussions recours à vous, vous nous donniez encore de telles marques de votre bonté? Y a-t-il sujet de s'étonner que vous nous assistiez dans nos besoins, sans attendre que nous vous le demandions, puisque vous ne vous êtes jamais lassé de travailler en notre faveur? Comment pouvons-nous donc, Seigneur, jamais assez reconnaître l'obligation que nous vous avons de cet admirable silence que vous avez gardé au milieu de tant d'opprobre et de tourments? Comment pouvons-nous jamais assez reconnaître ces cris si pleins d'amour et de tendresse, que vous avez poussés en notre faveur jusqu'au trône de votre Père éternel? Nous vous conjurons, Seigneur, par votre infinie bonté, ne nous faire la grâce d'imiter votre adorable silence dans tous les maux que vous permettez qui nous arrivent, et de ne cesser jamais de publier avec le ciel, la terre, et généralement toutes vos créatures vos éternelles louanges par des cantiques également pleins d'amour et de joie. Mais ne vous contentez pas, Seigneur, d'avoir les oreilles attentives à nos prières, écoutez-les, s'il vous plaît, avec plaisir, et daignez dire à notre âme, rachetez par votre sang, ce que vous avez dit à l'épouse dans le cantique, montrez-moi votre visage et faites entendre votre voix à mes oreilles, parce que votre voix me paraît douce et votre visage plein de beauté. Cantique 2, 14. Comment se peut-il faire, Seigneur, que notre voix vous paraisse douce et que vous preniez plaisir à l'entendre? Comment se peut-il faire que notre visage vous paraisse beau, après que nous l'avons défiguré par tant de péchés que nous avons commis en votre présence et dont la confusion qu'il nous donne nous empêche de lever les yeux vers vous? Il faut, pour l'oser, ou que vous trouviez en nous beaucoup de mérite, ou que votre amour pour nous soit extrême. Mais ne permettez pas, s'il vous plaît, que vos faveurs produisent en nous un tel orgueil que de nous persuader d'avoir des mérites. S'il y a en nous quelque chose qui vous puisse plaire, c'est à votre grâce que nous en sommes redevables, et au plaisir que vous prenez à nous faire beaucoup plus de bien que nous ne le méritons. Ainsi, mon Sauveur, comme tout ce que nous avons de bon vient de vous et que tout notre bien est en vous, c'est à vous seul que nous devons en donner toute la gloire, et ne réserver pour nous que la confusion que notre malice et notre indignité méritent. Vous serez donc toute notre joie et toute notre gloire, puisque rien ne nous doit donner tant de joie et nous rendre glorieux que d'être aussi chèrement aimés de celui qui a bien voulu, pour l'amour de nous,